Alors bonjour tout le monde, bienvenue au 11e chapitre d'Histoire de Gamer. Aujourd'hui, j'ai une personne pas mal connue que si vous êtes un peu geek, vous écoutez un peu de podcast, c'est sûr vous l'avez entendu à quelque part. Il est chroniqueur à Monsieur Net, il est co-animateur de Radio Talbot et il est essentiellement l'animateur de l'analyse des geeks. Un gars qui, si je le comparais à Sindel dans Mortal Kombat, qui tue des ennemis avec son cri, lui pourrait tuer des hordes de zombies juste avec son rire. Et j'ai nommé Benoît Gagnon. Oui, effectivement, quand je ris fort, ça explose un petit peu en avant de moi, mais c'est correct, on finit par contrôler le tout. C'est ça, habituellement ça prend un compresseur, là, mais moi je suis pas équipé tant que ça, donc on va reculer. On va faire attention. Puis au pire, je veux dire, un petit saignement d'oreille ici et là, ça a jamais fait vraiment tuer personne. Non, c'est ça, c'est part of the game. Là. C'est ça, ça fait partie de la vie de d'écouter des podcasts. Donc Benoît, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est très le fun. Et merci à toi pour l'invitation. Parce que je vais me le dire en partant, puis je veux pas être sentimental ou rien, mais j'ai un attachement profond pour Benoît pour des raisons pas bizarres, là. Mais Benoît, c'est juste mettre ça sur la table. Mais Benoît, c'est un gars qui m'a approché deux fois à date quand j'avais des projets pour faire des levées de fonds puis tout ça. Puis ça, c'était pas préparé. J'ai pas dit à Benoît que j'en parlerai en partant. Mais à un moment donné, quand je faisais la levée de fonds pour Deus Ex Human Revolution pour le camp, ça marchait pas super bien. Ben Benoît m'a lancé un message privé sur Twitter, puis il me dit, y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'aider? Puis ça a donné les passes pour aller à la soirée de lancement de Deus Ex chez Eidos Montréal. Fait que c'est Benoît qui avait réussi à m'avoir ça à travers David Anfossi de chez Eidos. Donc ça vient de lui, puis je vais toujours être reconnaissant pour ça. Puis aussi Benoît qui, quand j'ai fait le défi tête rasée l'année passée, j'ai même pas, c'est pas moi qui l'ai approché, c'est lui qui m'a approché en disant bon ben qu'est-ce que je peux, comment ça marche les rasages puis tout ça, puis il a décidé de partir du lointain Montréal et de venir dans mon petit trou perdu de Saint-Zotique pour venir se faire raser avec nous autres à la pluie battante. Donc en partant pour ces deux choses-là, Benoît, je veux te dire merci, puis que tout le monde le sache là, que t'es un gars, t'as pas seulement des grosses mains, mais t'as un gros cœur qui irait dedans aussi. Merci, c'est super gentil. Fait que non, c'est très apprécié. Donc, c'est pour ça que quand je dis que j'ai un attachement à Benoît, c'est parce qu'il m'a vraiment beaucoup aidé. Puis c'est pas parce que je l'ai achalé ou j'ai été le chercher, c'est lui-même qui s'est lancé comme ça pour m'offrir ses services. Et c'est extrêmement apprécié, ça a toujours beaucoup aidé. Ah, tu sais, on essaye, hein. C'est sûr que c'est pas toujours évident des questions de temps ou même d'argent ou quoi que ce soit. T'sais, des fois, faut travailler aussi pour manger. Là. Oui. Donc, c'est sûr que moi et ma gang, ceux qui travaillent, on essaye de s'impliquer autant qu'on est capable de le faire. Des fois, ça donne plus que d'autres. Fait que, puis quand on a des projets, c'est aussi un projet intéressant. Là, disons-le, là, quand on parle d'enfants, c'est sûr que c'est toujours plus le fun. On a eu du fun là, la journée que tu es super rasé. Oui, ça a été le fun, à part si Dame Nature aurait été pu être plus fine avec nous autres. Là. Ah, ben, pas grave, on a vu pareil. C'est ça. Moi, c'était le fun d'être toute rampe en dessous d'une petite tente pour 4 personnes, puis on était comme 8 en dessous de ça. C'était bien intéressant. Donc, merci encore pour ça, Benoît. C'était bien apprécié. Fait qu'un coup, là, c'est mis sa table. Je me suis vidé le cœur. on va passer aux choses sérieuses, aux choses gaming. Mm-hmm. Benoît, t'es avec l'équipe de Monsieur Net depuis un bon bout de temps. T'étais là, t'es parti, t'es revenu. Comment ça a commencé, ça, ton implication dans Monsieur Net? Comment t'as rencontré Denis? Puis comment est-ce que ça a fait que t'as tombé sur le staff de Monsieur Net? C'est un peu bizarre. Denis, on s'est rencontrés via Twitter, c'est ce qui est un peu particulier. Ce qui est arrivé, c'est que moi, j'avais une personne que je connaissais, que je connais, qui s'appelle Jacques Villot, qui est un ancien policier qui travaille beaucoup sur la question de la sécurité informatique. Il a été au CRIM pendant plusieurs années. Et puis... le CRIM, qui est le Centre de recherche informatique de Montréal. Okay. Puis là, ils ont eu sa propre affaire maintenant. Puis, c'est ça. À un moment donné, je voyais Talbot sur Twitter, puis on se lançait une couple de jokes. Puis, à un moment donné, j'ai envoyé un DM, tu sais, en disant Ah, tiens, on connaît quelqu'un, on a quelqu'un en commun qu'on connaît, tu sais. Il me dit, ah oui, c'est qui, Jacques Villot, puis là, on commence à jaser, tu sais, jase de sécurité, tout le kit. Puis bon, ça reste de même, tu sais. Moi, dans ce temps-là, j'avais un blog, j'étais pas mal actif dans les médias, etc. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, en plein milieu de l'été, Denis m'envoie un Twitter, puis il me dit, hey, refais-moi donc ton téléphone, j'aimerais ça te parler 2 minutes. Fait que je donne mon téléphone sans trop me poser de questions. Puis il me dit ouais, j'aimerais ça te rencontrer, viens au studio, on va se jaser. Je dis OK. Puis là, j'étais arrivé là, puis il y avait son réalisateur qui est Momo. Fait qu'on a fait une petite réunion, puis il nous a dit écoute, on a besoin d'un gars de sécurité, sécurité informatique, tu sais, des éléments de base en sécurité, comment protéger l'ordinateur, tu sais. Tu sais, l'affaire de disons, de sensibilisation surtout. Fait qu'il dit, tu sais, si tu as quelque chose avec laquelle tu te sentirais à l'aise, je dis, ben écoute, oui, là, je peux te faire ça. J'enseigne, fait que c'est, ça va pas mal dans le même type de compétences, si on veut. Et, fait que, il dit, ben écoute, viens-t'en, on va faire un pilote, puis on va enregistrer ça, puis on va regarder voir comment ça va. Fait que, faites le pilote, je pense, fin août, puis... Finalement, ça a l'air que ça a passé, parce que j'étais encore là depuis là. Et puis c'est devenu un bon chum en plus. Ah ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça, dans cette foulée-là, dans cette année-là, ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de là, bon, je me suis mis à connaître pas mal de monde, de l'équipe, évidemment. T'sais. C'est là que j'ai connu Frank, c'est là que j'ai connu Yann. Fait que, tu sais, on a vraiment fini par se faire un petit groupe, là, où là, tu sais, on a du fun entre nous autres, là. Fait que... OK. Fait que c'est tout du monde que tu connaissais pas avant de commencer à travailler sur le show. Okay. Non, c'est ça. Maintenant, ça va faire 4 ans maintenant que je connais Denis, Frank, Yann, puis tout ça. Là. Donc, c'est ça. Là. C'était vraiment du monde que j'avais jamais rencontré. Puis ça donne bien parce que finalement, c'est du monde avec qui je m'entends super bien. Ouais, c'est ça. Non, c'est du bon monde. J'ai tout eu la chance de les rencontrer. Puis c'est... Non, c'est sont le fun à jaser. Puis c'est pas du monde qui se prennent pour quelqu'un d'autre. C'est du monde ordinaire. Là. Fait que c'est... Ça donne rien, là, je veux dire. En tout cas, non, moi, mais... j'ai fait longtemps les arts martiaux dans ma vie, OK? Ouais. Il y a une chose à laquelle j'ai appris, tu sais, c'est que l'ego, là, c'est un bien mauvais maître. Oui. Ouais. C'est si bien de devenir, d'être très humble, parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être capable de t'en montrer bien plus que tu penses. Ouais, c'est un fait. C'est un fait. Puis c'est pas parce que t'es connu que t'es meilleur que les autres non plus. C'est ça. Mais il y a des gens que ça leur monte à la tête, il y a des gens que ça leur monte pas à la tête. Puis à date, dans votre gang, j'ai pas vu personne à qui ça lui était monté à la tête. Ouais. C'est quand même bon. Anyway, tu sais, je veux dire, moi, là, ben sincèrement, là, je fais ça parce que j'ai du fun. Si j'avais pas de fun, je le ferais pas parce que déjà, c'est occupé, merci. Oui, oui. Fait que moi, tantôt aussi longtemps que j'ai du fun à le faire, là, c'est bien beau, là, mais c'est pas plus que pour ça que je le fais. Là. OK, moi, c'est ça. C'est pas pour l'argent, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le plaisant à faire. Non, mais ben, sincèrement, tu sais, c'est. Les gens pensent que quand t'es à la télé, là, tu fais vraiment une fortune, mais c'est pas le cas. Ma job de jour me paye bien plus que ce que. Non, oui, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus non plus. Là. OK. Fait que là, tu commences à Monsieur Net. Après ça, t'as commencé à faire Radio Talbot aussi avec la même gang, là, les. C'est ça. Puis là, au début. Trois acolytes. Ouais, ben, c'est ça. En fait, au début, il y avait. Parce que Radio Talbot, de la manière ça s'est fait, c'est au début, c'était Denis et Frank. Mais là, Frank était parti. Puis là, c'était Denis et Yann. Puis là, moi, je me suis greffé à ça au début par micro. Donc, à travers Skype. OK. Par micro, oui, c'est clair, ça, mon Ben. C'est par micro avec sur place, mais c'est ça. T'étais à distance au début. Donc, c'était vraiment par Skype ou par téléphone. J'appelais là-bas, puis bon, ils me mettaient en attente, puis, etc. Puis, à un moment donné, ben là, Denis dit, coudonc, tu veux-tu venir à la maison? Ça serait peut-être mieux, ça serait plus drôle, puis on pourrait prendre une bière, puis tout le kit. Je dis, ah, ben oui. T'sais. Fait que là, c'est devenu une tradition. Là, on se déplace directement chez Denis, là, à tous les lundis soir. Ben là, avant, c'était vendredi. Maintenant, c'est rendu lundi pour faire avec l'horaire de Monsieur Net aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'on change l'horaire de Monsieur Net. Ouais, c'est ça. Donc, puis, tu sais, nous autres, c'est notre réunion de gars de la semaine. Là. C'est comme, tu sais, il y en a qui vont walker, il y en a qui vont prendre une bière à une brasserie, il y en a qui vont whatever. Nous autres, c'est comme, ben, on s'en va faire un podcast autour d'une table. prend une coupe de bière, puis on dit des niaiseries, là, puis that's it, là. Ouais, c'est ça, mais c'est quelque chose qui. Radio Talbot, c'est quelque chose qui. Je veux dire, c'est pas. Tu sais, ça se prend pas au sérieux. Tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre. Oui, on sait que vous allez parler de jeu et des choses comme ça, mais il y a tellement. La chimie est tellement écœurante entre vous autres que. Tu sais, tu sais jamais où c'est que ça va s'en aller. Là. Tu sais toujours que Yann va se faire gosser un peu parce que c'est un peu votre souffre-douleur. Mais tu sais, ouais. C'est tellement le fun à écouter justement parce que vous êtes tous des chums. Tu sais, c'est pas statique, c'est pas plate parce que personne, tout le monde a peur de dire quelque chose qui va blesser l'autre. Tu sais, vous pouvez vous lâcher lousse. Là. Non, puis tu sais, il y a comme une entente tacite dans notre gang. Là. C'est que l'objectif, c'est vraiment de faire le plus gros burn, c'est-à-dire vraiment t'sais, être le plus baveux possible. T'sais. Puis, t'sais, encore une fois, il n'y a pas personne là-dedans qui a un ego puis qui dit « Ah oui, l'écœurant, puis nan, nan. » Yann, il me ramasse, puis je trouve ça drôle. Je ramasse Yann trouve ça drôle. T'sais, c'est ça, on n'arrête pas de se tirer à la pipe, c'est bien correct. Puis on a toutes des personnalités différentes et complémentaires en même temps, faisant en sorte que, tu sais... Ça fonctionne bien. On s'est comme attribué des genres de rôles sans vraiment le faire. Okay. Moi et Yann, on est comme les deux qui se tiraillent. Frank, c'est comme le gars qui est tout le temps exaspéré puis qui en vient jamais. Puis Denis, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie d'ouvrir des portes. C'est sûr qu'il essaie de canaliser les affaires. Mais c'est Denis, là, si vous le voyez travailler aussi à Radio Talbot, c'est quand même. T'sais, il y a de la job, là, c'est-à-dire que lui, il contrôle la console, tous les effets audio, tout ça. T'sais. Bon, t'sais, quand est-ce qu'on commence, etc. Fait que, Denis, le rôle est vraiment à la fois technique et à la fois de la discussion. Puis c'est ça, Denis, lui, justement, on en parlait vendredi soir. Puis il disait, moi, ma job, là, c'est d'ouvrir les portes pour que vous les preniez. Okay. Puis t'sais, des fois, c'est un peu ce qu'on essaie de reproduire à M. Net. De plus en plus, ça fonctionne parce que justement, on a une gang un peu similaire. Tu sais, des fois, c'est juste un petit regard, puis là, on le sait là, que le gars va dire une niaiserie, là, puis là, il dit « OK, là, vas-y, là ». Tu sais, on est rendu avec des réflexes de travail aussi, là, ce qui fait en sorte que c'est très drôle. Ben ça, c'est la chimie, puis se connaître, ça fait que vous savez un peu ce que vous en allez, puis tu sais, c'est le fun. Ben c'est le fun, puis c'est le fun que ça se transpose aussi à la télévision, parce que c'est pas, tu sais, là, de plus en plus, à un moment donné, Denis parlait plus de Radio Talbot à Monsieur Net, comme pour, tu sais, dire au monde, il y a d'autres choses aussi que vous pouvez écouter si vous aimez ce qu'on fait, parce qu'à un moment donné, je veux dire, il y avait vraiment la gang de Radio Talbot qui était les plus geeks, qui connaissaient les podcasts, ces choses-là, mais ceux qui écoutaient l'émission ne savaient pas nécessairement que ça existait. Fait que probablement que ça l'a aidé aussi, ça aussi, parce que là, les auditeurs écoutent Radio Talbot, puis en écoutant les deux, ben là, tu vois un peu la chimie qu'il y a entre vous autres, puis les petits gags qui vont d'une place à l'autre, qui peuvent se suivre, là. Parce qu'il y a des insides, là, tu sais, par exemple, le fait qu'on traite Yann de cheap, ça fait des mois, là, que ça roule à Radio Talbot, tu sais, qu'on dit qu'il emprunte les jeux à Denis, puis il ramène jamais, tu sais, c'est un gag qui dure depuis des mois, mm-hmm. C'est rendu qu'il en a fait une chronique à Monsieur Net. T'sais. Il y a une chronique de comment sauver de l'argent avec l'achat de jeux, puis etc. Puis là, tu sais, l'autre fois, je lance une craque en lui disant, tu sais, oui, c'est la chronique de Cheap Man, tu sais. Puis là, tout le monde trouvait ça bien drôle, mais en même temps, ça fait comme des mois qu'on niaise avec ça à Radio Talbot, tu sais. Mais c'est ça, tranquillement, il y a des concepts qui vont d'une place à l'autre. Il y a des trucs qui viennent d'une place à l'autre. Fait que c'est pour ça, Radio Talbot, c'est vraiment le complément dans le sens où là, on a plus de temps, on a plus de liberté, pas de pause, on peut déraper plus loin. C'est une forme de dérapage contrôlé, mais on peut aller un peu plus loin. Puis là, c'est sûr que c'est le genre de place où, une fois de temps en temps, là, il y a un juron qui va sortir, il y a quelque chose. Là, on est un peu plus à l'aise. Puis aussi, on n'est pas dans un contexte de télé, c'est-à-dire que tu sais à la télévision, ça a l'air de rien, mais c'est assez statique. T'sais. On est assis sur un banc, pas bouger ben. Là, tu sais, si je me lève pour faire une niaiserie, je me souviens d'un épisode où à un moment donné, je m'étais levé pour faire une niaiserie à Radio Talbot où je faisais semblant de frencher les statues, les figurines à Denis, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, je pouvais pas faire ça à télé, là, donc, mais ça marchait, là. Ouais, c'est ça. Ça permet, puis comme c'est ça, c'est un complément. Fait que si vous parlez, parce qu'une chronique, tu sais, tu parles d'un jeu à Monsieur Net, ben t'as tant de minutes pour faire ta chronique. C'est sûr qu'à cette heure, depuis que c'est rendu une heure, vous avez peut-être un peu plus de temps. C'est peut-être un peu plus lousse, je sais pas, là. Mais à Radio Talbot, si tu veux en parler pendant 20 minutes, tu peux en parler pendant 20 minutes si tu veux, là. T'as pas de contraintes. Au final, l'émission d'une heure, oui, on a plus de temps sur le lot. Ça double environ. On passe de 22 minutes à environ 40 quelques. Là, donc, c'est sûr que c'est plus de temps. Par contre, les chroniques demeurent environ quand même 6 minutes. Okay. Donc, c'est sûr qu'on a plus de temps au total, mais quand tu... Quand tu dis, bon, ben, moi, il faut que je fasse une chronique ou il faut que je fasse une revue du jeu, 6 minutes, ça passe vite en maudit. Là. Ouais. La dernière que j'ai faite, le Game of Dwarves, j'ai dit quoi, le tiers de ce que j'avais le goût de dire par rapport à ce jeu-là, tu sais, mais c'est ça, c'est les contraintes, puis il faut faire avec. C'est ça, mais si tu veux compléter à Radio Talbot, mais tu peux compléter pour dire le reste que ce que tu voulais dire, ce jeu-là, puis tu as plus de temps. Après ça, t'as parti un projet, ça fait quoi, 2 ans que ça roule, l'analyse des geeks? Un peu plus, là, en fait. Là. C'est 2 ans et demi, le proche. C'est ça, puis ça, c'est un projet que comment ça a parti? Je sais que t'es, comme tu disais tantôt, t'es devenu chum avec Frank quand t'as commencé à travailler à Monsieur Net. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu ensemble partir un autre projet? C'est-tu toi qui es allé voir Frank pour ça? C'est-tu Frank qui t'a dit que ça serait le fun de... comment ça a parti, ça, ce beau projet-là? En fait, à un moment donné, j'ai dit... moi, j'avais fait déjà l'analyse, je regardais les podcasts, puis je voyais ça aller. Puis moi, j'en avais déjà fait un podcast avec un collègue de la chaire Raoul Landurant qui était dédié à la sécurité. Puis ça n'avait pas levé tant que ça. C'était difficile, puis c'était pas... le sujet était aride un peu. C'était beaucoup de préparation. C'était lourd à faire, puis... Bon, au final, on a fait comment? OK, on a laissé tomber ça. Mais, tu sais, j'ai vu qu'il y avait quand même de l'intérêt, puis il y avait quand même des veines intéressantes. Fait que là, j'ai commencé à regarder, c'est quoi l'écosystème du podcast, puis qu'est-ce qui se fait au Québec, etc. Puis là, à un moment donné, j'ai vu, tu sais, il n'y a pas de podcast techno-québécois. Puis là, l'objectif que je me suis établi avec ça, c'est de dire, OK, faut faire une revue des nouvelles, donner une saveur québécoise, mais... Moi, je suis un prof hein, dans la vie, j'enseigne, je fais pas juste ça, mais j'enseigne en partie. Donc, moi, ma priorité, ou pas, c'est pas ma priorité, mais une de mes priorités, c'est tout le temps l'aspect pédagogique. Moi, je me dis, c'est important que les gens comprennent, tu sais, puis ouais. Je comprends que certaines personnes, tu sais, ils n'ont pas le temps de s'installer puis d'essayer de comprendre de A à Z comment ça fonctionne. Donc, c'était de rendre les nouvelles technologiques ludique pour que le message passe mieux, tu sais, faire aider finalement à ce que les gens comprennent ce qui se passe dans le monde de la technologie. Fait que c'était un peu ça le truc. Puis là, bon, je commençais à jaser pas mal avec Frank. On était prendre une coupe de bière, on a bien ri, eu bien du fun. Tu sais. Fait que là, je me dis, coudonc, tu sais, lui, en plus, c'est un geek, là, il est vraiment dedans, puis il connaît bien gros ses affaires. Je me dis, ça serait peut-être intéressant de faire de quoi avec lui. Fait que là, à un moment donné, en prendre une bière, puis je dis, hey, ça te tenterait-tu de partir ça? Puis il dit, ah, ouais, ça pourrait être cool. Puis, tu vois, au début, c'était un peu brouillon, comme n'importe quel projet. Tu sais, quand tu commences, t'es un peu. T'es pas trop sûr de ce que tu fais. Puis là, tu vois, depuis ce temps-là, on a eu une première vague qui était finalement une vague où c'était moi et lui. Ensuite de ça, deuxième vague où là, c'était moi, lui, puis des invités. Mm-hmm. Puis ensuite de ça, on a fait quelque chose d'un peu plus régulier avec FDL. Puis là, c'est ça. Là, tu vois, là, cette année, on a décidé de... ça a été un peu plus long de repartir la machine pour toutes sortes de raisons logistiques et personnelles. Là, donc, on a eu des... moi, en tout cas, j'ai eu de mon côté des petits problèmes faisant en sorte que ça a été un peu plus compliqué. Mais là, on a redémarré, puis on a redémarré sur une base hebdomadaire. Donc, on fait ça à chaque semaine. Et puis... on le fait par Skype, c'est pas l'idéal, mais c'est quand même au moins on livre. Là, puis la job est faite, là, si on veut. Non, c'est sûr, par Skype, c'est un peu plus dur parce que tu vois pas l'autre personne, fait que c'est plus dur un peu, tu sais, pouvoir voir les réactions, puis le body language, là, puis c'est peut-être les blagues rentrent un peu moins bien quand vous voyez pas. C'est sûr que c'est toujours plus facile de faire ça quand tu es sur place avec la personne, mais je veux dire, Skype, ça dépanne. Là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça aussi, c'est une question de temps. Ça a l'air de rien, les gens, tu sais, ils s'en rendent pas compte, mais tu sais, faire l'analyse des geeks, là, c'est une journée de travail. Oui. Donc, c'est un 8 heures là, dans la semaine. Donc, c'est nous autres, on travaille déjà 5 jours semaine. Donc, il faut se rajouter une sixième journée pour faire l'analyse des geeks, qui est un projet qu'on s'entend, là, c'est un projet bénévole. En plus de ça, le temps de transport. Fait que là, on inclut le temps de transport, la recherche, la mise en ligne, les petits à côté, ça va vite, là. Fait que c'est, à un moment donné, c'est clair que quand on est capable de sauver un peu de temps, on essaie de le faire. Ouais, puis dans ce temps-là, le temps que vous pouvez sauver, ben, c'est le voyagement. En restant chacun chez vous, puis en faisant ça par Skype, ben c'est quand même plus pratique. Parce que c'est sûr, le monde voit, OK, bon, ben ça prend 2 heures à enregistrer, mettons, mais après ça, t'as peut-être 1 heure, ça peut peut-être te prendre 1 heure, faire du montage, dépendant, c'est combien de montage que tu fais, puis après ça, t'as la recherche pour te rendre jusque-là, de quoi qu'on va parler, prendre les sujets, éliminer ce que tu trouves peut-être moins intéressant, c'est d'ouvrage ça aussi. Ah, c'est ça, par exemple, moi quand je fais ma recherche, oui, je prends des articles dans la semaine, tu sais, mais là, il faut que je pas toujours bien les lise les articles. T'sais. Fait que donc, il faut que j'arrive, il faut que j'aie les articles lus. Il faut que qu'on ait fait un filtre là aussi. C'est-à-dire que moi, avant d'envoyer les articles aux gars, puis la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on fait un choix chacun de notre côté, puis après ça, on les met dans un pool. T'sais. Mais moi, avant d'en envoyer aux gars, il faut que j'en ai peut-être. Une 15-20, dire OK, ben c'est quoi les plus pertinents à mon avis? Ben c'est lui, puis c'est lui, puis bon, là, je mets ça dans un pot, j'envoie ça, là, les autres m'envoient les leurs, faut que je lise ça. Donc, tu sais, toute cette job-là en arrière n'est pas vue, mais quand même importante parce que c'est ce qui fait en sorte que le produit a l'air sérieux minimalement. C'est ça. On pourrait arriver, puis pas lire, mais tu sais, tu m'en es, c'est juste l'opinion qu'on fait. Le titre, c'est l'analyse des geeks, hein, donc. Faut faire un minimum d'analyse. Là. Si tu veux analyser, il faut que tu comprennes le sujet. Sinon, c'est dur à analyser. Puis souvent, il faut vulgariser aussi un peu, parce que souvent, si vous sortez une nouvelle de Ars Technica ou un site un peu plus technique, puis vous voulez que, tu sais, c'est pas du monde qui sont nécessairement tous pleinement geek ou pleinement technophile, qui capotent sa technologie, qui connaissent pas nécessairement tout. Si vous voulez que tout le monde puisse comprendre un peu, parce qu'il y a tout le genre de monde qui écoute votre émission, autant des geeks que du monde qui aime juste ça, entendre parler de la technologie. Fait qu'il faut vulgariser un peu pour que le monde puisse comprendre le sujet. Ben c'est ça aussi, tu sais. Des fois, comme là aujourd'hui, je donne l'exemple aujourd'hui, on a enregistré ce matin, tu sais, il y avait un article sur les SSD. Puis c'était très, très technique. Moi, j'en ai échappé des bouts, là. Puis Frank, lui, c'était son article. Frank, il comprend. Fait qu'il est arrivé, puis là, il a expliqué. Mais tu sais, quand même, il faut qu'il soit capable de dire, OK, mettons, s'il y a des paramètres qui n'est pas trop sûr, il faut qu'il vérifie. Puis il y a tout le temps de job, veut pas, de, OK, il faut que je comprenne la structure du document pour être capable d'expliquer. Ben, c'est ça. Parce que si tu ne comprends pas, c'est dur d'expliquer comme il faut pour que le monde puisse le comprendre. Tu sais, comme moi, ma job, c'est souvent de jouer le tapon. T'sais. J'essaie de jouer le gars qui comprend absolument rien. Même si, tu sais, des fois, je comprends des fois rien pour vrai, mais il y a des fois que je comprends minimalement. Mais c'est tout le temps de dire, OK, mais mettons là, que je suis vraiment nouveau là-dedans. Là. Qu'est-ce que je fais? T'sais? C'est quoi les trucs? C'est quoi les questions que je pourrais avoir? Fait que j'essaie de vraiment... De poser ces questions-là. Là. Ouais, vous faites une bonne job parce que c'est pour ça que le show est le fun à écouter aussi. Là. Parce que c'est pas nécessairement. Parce que c'était hyper technique puis c'était tout du jargon technologique que le monde décrocherait. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est souvent le commentaire qu'on a eu dans les courriels qu'on a reçus. C'était l'espèce d'équilibre entre assez technique, assez ludique, puis assez. Pédagogique. T'sais. C'est ces trois aspects-là qu'on essaie de conserver, une espèce de triangle dans lequel on fonctionne. T'sais. Mais c'est sûr que des fois, on en sort un peu, mais quand même, on essaie de demeurer là-dedans. Là. C'est beau. Donc, on va passer au côté un peu jeu. Tu as été, t'es à Radio Talbot pas mal le gourou du rétro gaming, tu as une chronique que tu fais pour le rétro gaming sur un jeu si tu faisais ça par semaine. Donc, j'imagine, si tu connais ça, c'est parce que tu as joué pas mal étant plus jeune. Comment tu as commencé à jouer les premières consoles, tes premiers jeux? C'était quoi? Ça t'a pogné à quel âge, la piqûre du jeu vidéo? My Lord, écoute, ça remonte à très loin. Les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, en fait, c'est... C'était des jeux vidéo que un gars avait sur ma rue, puis à un moment donné, c'est ça, il m'avait invité chez eux, puis bon, c'est comme un petit ami d'enfance, là, plus ou moins. Puis dans son sol, son père avait un ordinateur, je me souviens pas c'est quoi l'ordinateur, puis il y avait des jeux vidéo très basiques dessus, puis je me souviens d'avoir été fasciné par ça. Puis ensuite de ça, j'ai reçu la fameuse console où il y avait Pong dessus. OK. Donc, je me souviens d'avoir joué à Pong sur ma télé quand j'étais tout petit. Puis ensuite de ça, ce qui m'a vraiment beaucoup influencé, moi, ça a été les arcades. Quand j'étais jeune, j'ai joué pas mal avec des arcades. Les souvenirs que j'ai d'arcades sont assez vivides. En fait, il y en a deux qui m'ont pas mal influencé. Je dirais trois, en fait. La première, c'est Disc of Tron. Ouais, OK. Si tu te souviens de ça? Oui, très bien, oui. Donc, je me souviens d'avoir dépensé pas mal d'argent là-dedans. Puis en plus, Tron, moi, c'est un film qui m'a fasciné quand j'étais jeune, tout ce côté visuel-là, le côté informatique, le côté des jeux aussi, là, finalement. Donc, ça, j'en ai mis de l'argent là-dedans. L'autre qui m'a pas mal influencé, est venu un peu plus tard, ça a été Punch-Out. Non, oh, le premier ou le premier Punch-Out, celui, ouais, parce qu'il y a eu Punch-Out, puis il y a eu Punch-Out 2, si je me rappelle, puis c'était le fun, ça. Personnage transparent, là. Oui, c'est ça. Mais il y en a un, c'est parce qu'il y en a un que tu pouvais tirer sur le joystick, puis tu te penchais, puis t'as l'autre, tu pouvais juste te tasser de gauche à droite. Je pense que c'est le 2, tu pouvais tirer sur le joystick, puis ton bonhomme faisait comme se pencher, tu pouvais esquiver des coups. C'était ça. Puis ça, tu vois, j'ai joué à ça en voyage, aux États-Unis, donc je ne l'avais jamais vu au Canada. Puis sinon, l'autre arcade, c'était Operation Wolf, qui est vraiment une espèce de jeu de tir. Il y avait une fausse mitraillette, puis c'était drôle, c'était la mitraillette à donner des coups, là. Mais ça, c'est venu un peu plus tard, parce que Disc of Tron a ouvert la porte à plusieurs choses. Et puis là, mes amis commençaient à avoir des consoles, j'en ai eu une. Moi, j'avais une Atari 2600. Mm-hmm. Hugo, mes amis d'enfance, lui, avait une ColecoVision. On jouait à ces deux consoles-là, puis on essayait des jeux qui étaient très différents, parce que les consoles étaient différentes aussi. Mais il y en avait des pareils, mais c'était tout le temps drôle de voir les différences entre les versions, finalement. Ouais, parce que dans ce temps-là, le Coleco, la qualité de visuel, les graphismes étaient beaucoup plus beaux que celui de l'Atari. C'est un petit peu plus poussé. Oui, tout à fait. Les manettes, c'était tellement pénible. Ah oui, je comprends pas. Je peux pas concevoir que ça a passé au conseil, ces manettes-là, là. Des gros rectangles, deux boutons en haut, puis l'espèce de joystick qui fonctionne tout croche. En tout cas, c'était pas l'idéal. Non, l'Atari, c'était simple, mais ça fonctionnait. Un bouton, un petit joystick, puis t'étais parti. Ouais, mais sauf que j'en ai-tu cassé ces joysticks-là? Oh, my God. Ouais, si t'avais une main aussi grosse qu'aujourd'hui, j'ai aucun doute. Mais non, c'était pas super solide, par exemple. C'était surtout les jeux de course, tu sais. Quand t'es jeune, là, toi, tu penses que plus fort tu pèses, plus ça va tourner. Là. Ouais. non, c'était. Fait que c'est ça. Là, ensuite de ça, évidemment, j'ai eu la Nintendo. Je pense que tout le monde l'a eu. Je suis exagère, là, mais c'est pas loin d'être la vérité. La NES, tu parles de la première NES? NES. Ouais, c'est la console que. C'est la console qui a fait basculer beaucoup de monde dans le jeu vidéo, parce que c'est... La confirmation de, tu sais, c'est une passion. À partir de là, tu sais, toutes sortes de jeux, par exemple Final Fantasy, le premier Final Fantasy qui m'a fait vraiment triper, Destiny of an Emperor, Romance of the Two Kingdoms, des jeux que je me souviens avoir passé des heures incroyables, là, à m'imaginer toutes sortes de choses. Puis c'est ça aussi, tu sais, c'est moi, c'est drôle, on a cette discussion-là, mais hier soir, j'étais avec un de mes amis d'enfance, puis on parlait de jeux vidéo, puis de souvenirs qu'on avait attachés à ça. Donc, c'est ça, quand je parle d'un jeu maintenant, moi, c'est les souvenirs que ça me fait. Ça me fait émerger qui je trouve particulièrement intéressant. Par exemple, je sors un vieux Dragon Warrior, je m'en vois des extraits sur YouTube, par exemple, puis j'écoute la musique, puis ça me rappelle toutes sortes de moments de ma vie. Puis c'est ça, là, t'sais, parce que les jeux vidéo m'ont accompagné à toutes sortes de moments, faisant en sorte que t'sais, maintenant c'est lié dans ma tête. Là. Que moi, c'est l'intérêt que j'ai t'sais, du rétro gaming, tu sais, contrairement par exemple à Dominique Bourret, qui est vraiment une machine là, rétro gaming. Là, lui, c'est un historien, c'est une encyclopédie du rétro gaming. Moi, je suis pas ça. Tu sais, je suis pas aussi bon, je suis pas aussi poussé. Moi, c'est vraiment plus le côté nostalgie de la chose là, qui m'intéresse particulièrement. Là. Okay. J'aime la plupart du monde. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis j'écoute Dominique avec Bruno Georget dans Rétro Nouveau, tu sais, puis c'est comme, OK, il connaît toutes les subtilités, il est capable de, tu sais, de t'expliquer tout ça. Moi, je serais pas capable de faire ça parce que j'ai pas ce bagage de connaissances-là. Moi, ce que j'ai, c'est, tu sais, finalement, j'suis un gars qui va au gut feeling. Là. OK. Puis on parlait de la Coleco tantôt, ça m'a sauté dans la tête. T'avais-tu essayé le jeu de Rocky? Ah, non, lui, j'avais jamais essayé, par contre. OK, qui avait une manette spéciale, genre, faite en genre de que tu tenais comme un gant de boxe avec une manette sur le dessus, puis t'avais les boutons, parce que à Coleco, t'avais comme des petites cartes que tu pouvais mettre avec des... Il y avait des chiffres, des lettres ou des logos spéciaux pour des boutons de plus, là. OK, je pensais que tu l'avais vu. Il n'y a pas grand monde qui parle de la Coleco. Souvent, le monde a été Atari, puis après ça, ils ont tombé dans le Sega, des choses comme ça. Fait qu'il n'y a pas grand monde qui a parlé de Coleco, puis je me rappelle de cette manette-là, je me disais, je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a joué avec cette manette encore plus horrible. Coleco, je viens de jouer de Smurf. Oui. Du jeu entre du dessin puis du tu promènes ton personnage. Le fameux Donkey Kong. Oui. Quest for Tire, t'avais-tu joué ça? Quest for Tire. C'était quoi le topic? T'étais un homme des cavernes qui roulait sur une roue en roche. Puis oui. Le but, c'était de sauter par-dessus des trous, des choses comme ça. Là, mais c'était... Ouais, ouais. Puis il y avait aussi Pitfall. Ouais, Pitfall sur la Atari ST. Pas sur la Atari ST. Sur le 2600 ou tu l'as joué sur le Coleco? Il me semble qu'il était sorti sur le Coleco, ça se peut-tu? Je me rappelle pas. Moi, je me rappelle l'avoir joué. Comme un malade sur l'Atari. C'était un des seuls jeux que j'avais à un moment donné. Ouais, ouais. Je jouais juste à ça. Puis le monde dit que les jeux sont courts aujourd'hui, là, mais si vous regardez des vieux vidéos de Pitfall sur YouTube, là, t'avais 19 minutes pour faire le jeu. Ouais, ouais. Fait que 19 minutes, c'est pas long. Je me souviens aussi de... c'était-tu Zaxxon? Oui, Zaxxon, ouais. C'était pas faisable, ça. C'était tellement dur. C'était le niveau aussi, là, les niveaux pour monter, descendre. Là, c'était assez difficile, merci. Là. Ouais, fait que c'est ça. Donc, ensuite de ça, la NES qui m'a ouvert sur plein de choses. J'ai eu aussi un Sega Genesis. J'ai moins trippé sur le Sega Genesis. Il y a eu des bons titres, mais bof, c'est pas tant que ça. J'ai eu le Sega CD aussi. Le Sega CD, OK. Il doit pas en avoir beaucoup qui ont. Ben, je me rappelle du Sega CD, mais il me semble que ça s'est pas. Il me semble que ça n'a pas pogné tant que ça. Ça se peut-tu ou je me trompe? Non, non, ça n'a pas pogné tant que ça. Écoute, je me souviens. Moi, j'avais l'espèce de module que. En fait, la manière dont ça fonctionnait, c'est que tu. excuse-moi, tu prenais ton Sega Genesis. Mm-hmm. Tu l'attachais sur une espèce de module qui était une plaque, puis à côté, tu avais le CD. Là. OK, c'était juste un attachement, un ajout pour la Genesis. Ouais, c'est ça. OK, c'était pas une console séparée. Ça, parce que je l'avais pas connue, celle-là. Genesis, j'ai pas vraiment joué avec. Je me rappelle juste, je n'avais une à un moment donné, je l'ai pas eu longtemps, ou c'était un de mes chums qui n'avait une, puis la seule affaire qu'on avait remarqué, c'est que dans Mortal Kombat, tu avais du sang au lieu d'avoir de la sueur. Dans version SNES. Le, le Sega CD, là, si je me souviens, c'est, écoute, c'était en 92 ou quelque chose comme ça, qui est sorti. Puis c'est ça, c'était vraiment... tu vois, là, j'ai allé voir une photo, là, c'était vraiment ça. Là. T'avais le Sega Genesis qui allait dessus. À droite, t'avais le module qui était le lecteur CD, puis un communiquait avec l'autre. Là. Mais là-dessus, je me souviens avoir joué à des affaires assez cool. Comme ben, le jeu qui venait avec, je me souviens bien, c'était Sewer Shark. Sewer Shark, c'était un jeu qui mélangeait de l'acting avec jeux vidéo. C'est-à-dire que tu avais des cinématiques faites avec des vrais acteurs, mais je me souviens d'avoir particulièrement ri avec cet acteur-là qui faisait l'espèce de jockey, Sewer Jockey, là, qui était complètement déjanté, une espèce de malade mental. OK. Ça n'avait pas de maudit bon sens. C'était... J'ai jamais réussi à finir ce jeu-là. Et même si je suis passé proche très souvent, là, j'ai jamais réussi à le finir. Là. Fait que... Mais effectivement, tu sais, le Sega CD, les titres étaient plutôt rares. Le plus gros jeu que je me souviens d'avoir joué sur Sega CD, moi, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est Lunar de Silver Star. Ok, je connais pas. Non, je connais pas. En ce moment, c'est cool parce qu'il est disponible sur iOS. Fait que ceux qui veulent aller chercher, vous pouvez aller chercher facilement. C'est un RPG dans la plus pure tradition des RPG japonais. Ok. Mais l'histoire est vraiment cool. C'est beau. Les dessins pour l'époque, c'est vraiment bien fait. Puis un petit humour là, qui est drôle. Puis le RPG en tant que tel, la mécanique. Il ressemble beaucoup au bon vieux Final Fantasy. Est super fun. Là, bon, bref, ça donne une bonne idée des jeux de rôle de cette époque-là. Là. OK, ouais. Puis, mais... fait que le Sega CD, à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y a pas, je me trompe-tu, il n'y a pas un jeu genre Space Harrier, quelque chose comme ça, qui était sorti sur le Sega CD? Je ne connais pas, mais c'est fort possible. Là. OK, je me semblais qu'il y avait des jeux qui s'apprenaient absolument le CD parce que les graphismes n'étaient pas... je veux dire, ça prenait plus que juste la cartouche qui avait. On pouvait quasiment rien mettre là-dessus. Là. Quand les CD sont arrivés, ça a permis aux développeurs de faire des choses un peu plus avancées, un peu comme quand la PlayStation est arrivée. Là. Ouais, mais tu sais, il y avait des jeux. Comme je me souviens, moi, dans ce temps-là, je tripais. Tu sais, je jouais au football, donc je tripais pas mal sur le football, les jeux de football. Donc, je me souviens qu'il y avait Joe Montana Football qui était sorti sur Sega CD, okay. Qui était vraiment cool pour l'époque. Je trouvais ça très bien fait. Tu sais, puis ça donnait vraiment le... Tu sais, c'est sûr que le jeu s'appelle Joe Montana. Donc, si tu jouais avec les 49ers, ton carrière, il bottait des derrière. Mais la mécanique aussi pour faire les passes étaient intéressantes. Donc, il avait vraiment mis l'accent sur, OK, c'est le corps arrière qui est le point fort du jeu. T'sais. Peu importe le corps arrière que tu as, okay. C'était quand même lui qui était au centre de tout ce qui se passe. Donc, ça faisait en sorte que ta stratégie a changé un peu. Je me souviens aussi d'avoir joué à Road Rash là-dessus. Qui est une espèce de jeu complètement déjanté dans lequel tu contrôles, t'es un motocycliste, tu fais des courses, mais t'as des chaînes avec toi, puis tu peux donner des coups de chaîne, etc. Là. OK. Wing Commander qui a été là-dessus aussi. Sur le Sega CD? Je me souviens d'avoir joué à ça. OK. Ça n'a pas été... Mais si je me souviens, ça, c'était pas mal dans les... C'est mort assez rapidement, Sega CD. Je pense que c'était dans les derniers titres qui sont sortis. Là. Ouais, c'est ça. Ça a pas tout à fait longtemps. Puis ça a pas... Je pense pas que ça a vendu beaucoup au Canada non plus. Fait que c'est pour ça que ça a peut-être pas duré. Là. Je me souviens, écoute, il me semble qu'il y a au total... Là, puis là, j'ai pas de mémoire. Il me semble que c'était comme autour de 160 jeux là, qui sont sortis sur Sega CD. Fait que c'est pas tant que ça. Là. OK. Mais c'est sûr, si j'avais quand même le Sega Genesis à côté. Puis l'autre chose, j'ai quand même eu le Super Nintendo. T'sais, finalement, moi, tout l'argent que je faisais, je le mettais dans les jeux vidéo, dans l'électronique, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Gros problème derrière. Mais je suis suivi par un très bon médecin. Non, c'est ça. Donc, j'ai eu la Super Nintendo. Et le Super Nintendo, autant, tu sais, les premiers jeux auxquels j'ai joué ont été révélateurs de disons, mon amour pour le jeu vidéo, autant que en jouant avec la Super Nintendo et bon nombre de jeux sur la Super Nintendo, c'est là que ça l'a... non seulement confirmé, mais réaffirmé, dans le sens où là, je me suis dit, OK, il faut que j'en fasse, faut que je finisse par travailler là-dedans, que ce soit, tu sais, en périphérie, tu sais, par exemple, je voyais de plus en plus les, tu sais, je voyais des journalistes qui travaillaient là-dessus, par exemple, dans le Nintendo Power, etc. Mm. Ça me fascinait. Que tu sais en faire ou tu sais travailler dans ce domaine-là d'une manière quelconque. Donc ça c'est pas mal à partir de là que ça a tilté. Tu as dit OK ben tu sais t'aimes trop ça, faut que tu fasses quelque chose avec ça là. Puis le Super Nintendo a à mon humble avis porté les titres qui ont non seulement été des titres marquants pour l'industrie. Je pense à Final Fantasy, des jeux comme les Mario, la série de Mario qui a vraiment explosé avec ça. Mais t'as même sur la Super NES, c'est pas les premiers Madden, les premiers NHL, ces choses-là, me semble. Et c'est là que EA a commencé vraiment à s'étendre. Donc, t'as vraiment des jeux qui ont marqué l'industrie à jamais. Puis, tu sais, c'était comme dans le début du Golden Age, là, avec ça. Là. Ouais. Puis moi, je sais bien que d'un point de vue personnel, tu sais, j'ai des souvenirs très forts de certains jeux. Par exemple, Final Fantasy 2 américain, qui est le 4 japonais. On en parlait l'autre fois à Radio Talbot, justement. Puis ça, c'est moi dans mon top de jeux à vie. Il est très élevé, là. Où là, tu sais, c'était la première fois pour moi que j'étais en âge de comprendre vraiment certaines subtilités psychologiques dans le développement des personnages. Que j'avais des thématiques un peu plus adultes aussi. Là, j'étais mis en contact avec ça à travers une histoire qui était complètement épique et très, très bien faite avec un souci de l'esthétisme visuel et musical. Puis ça c'est un truc que je dis souvent. Si moi, je suis un auditif, hein, je suis pas un visuel. Okay. J'ai pas la même approche quand je regarde un jeu vidéo, quand je joue avec un jeu vidéo, en fait. Moi, les souvenirs que j'ai de jeux vidéo, il y en a beaucoup qui sont reliés à ce que j'ai entendu. Donc, par exemple, justement, Final Fantasy II, la fameuse tune des deux protagonistes principaux, soit Rosa et Cécile, qui sont amoureux un de l'autre. La musique qui accompagnait ça, moi, ça m'a marqué complètement. Puis d'ailleurs, c'est fou parce que c'est une des musiques qui a lancé la carrière du compositeur et qui l'a mis vraiment sur la carte et qui a fait en sorte que maintenant, tu sais, il donne des concerts partout. Il vient d'ailleurs à Montréal en décembre. OK. Fait que pour toi, un jeu, c'est plus que juste des beaux graphismes. Il faut que presque la trame sonore puis l'ambiance sonore soit encore meilleure. Ben, tu sais, c'est ça. T'sais, moi, je suis... Oui, c'est beau. Là. C'est sûr que quand t'as un jeu qui est beau, c'est le fun. Mais moi, c'est une expérience. Puis c'est pour ça aussi que je suis plus un joueur de RPG, des jeux plus réflexifs, narratifs. Moi, je vois vraiment le jeu vidéo, l'approche que j'en ai, c'est vraiment comme un roman où tu me racontes une histoire, où tu me fais vivre quelque chose. C'est un peu un mélange entre justement un livre, le cinéma et puis la musique. Donc, c'est sûr que je ne cracherai jamais sur un jeu vidéo qui est beau, là, mais tu sais, par exemple, tu me donnes le choix en me disant, gars, j'ai le choix de te donner des graphismes, ultra réalistes, puis un gameplay cool, ou un jeu avec des graphismes, par exemple, de cel shading, avec un gameplay tout aussi cool. Mais par contre, là, étant donné qu'on va mettre moins d'argent sur le graphisme, puis on va avoir de l'argent à mettre de plus sur la bande originale, puis l'écriture, ben, je vais dire go avec ça. Là. Okay. Les deux, là, j'aime bien mieux ça. Tu sais, puis je regarde encore les titres que j'ai aujourd'hui, avec lesquels que je me suis le plus amusé dans le dernier mois, c'est Borderlands. Il est super beau. Okay. Et c'est du cel shading. Ouais, c'est ça. L'autre chose, c'est... moi, il y a un des jeux que j'ai adoré sur PS3, c'est Valkyria Chronicle, qui est encore une espèce de cel shading, mais on dirait que c'est des traits de crayon. Donc, on voit vraiment comme si c'était dessiné des crayons de couleur, là, comme les crayons de bois qu'on avait quand on était jeune. Là, puis on dirait vraiment que tous les personnages sont dessinés comme ça, que toute l'environnement est dessiné comme ça. Moi, j'ai trouvé ça visuellement superbe. Mais c'est sûr que ceux qui disent « Ouais, mais c'est pas du graphisme incroyable, c'est parce que c'est pas ultra réaliste. » Puis je suis tout à fait d'accord avec eux, mais je trouvais que le jeu allait chercher quelque chose d'autre ailleurs. Ouais, mais c'est pas tous les jeux qui se portent non plus à être ultra réalistes. Bah, c'est ça, tu sais, ça dépend. Ouais. C'est sûr que ceux qui veulent, tu sais, par exemple, je sais pas moi, un type simulation de course ou un type simulation de pilotage d'avion ou, tu sais, à la limite... des jeux de guerre, ben je peux comprendre qu'ils veulent avoir un minimum de réalisme. Puis, tu sais, je cracherais pas là-dessus non plus. C'est juste que moi, ça vient moins me chercher. C'est ça. Non, mais chacun ses goûts. Puis aussi, tu peux apprécier l'ultra réalisme d'un jeu de course comme le cel shading d'un jeu comme tu parles. Je veux dire, c'est pas parce que tu tripes sur un type de graphique qu'il faut que ça soit comme ça partout. Là. Ça, faut être ouvert un peu. Là. C'est ça aussi, la tu sais, je suis pas fermé, là, faut pas... c'est juste que c'est sûr que moi, quand je parle des jeux qui sont venus me chercher, c'est probablement pas nécessairement les mêmes jeux que tout le monde vont voir ou vont dire « Ah oui, ce jeu-là, il est venu vraiment me chercher. » Donc, puis c'est ça, le côté sonore, autant peut m'intéresser, autant ça peut me tuer un jeu, tu sais. OK. Des fois, il y a des jeux, là, le son qui est utilisé, je le trouve agressant ou les bandes originales sont pas le fun ou me tapent sur les nerfs. Tu sais, ça peut me tuer un jeu rapidement. OK, tu vas le mettre de côté, même si le restant est pas pire, juste parce que ça va te taper sur les nerfs. Ouais, c'est ça, tu sais, sauf si j'ai, par exemple, à le critiquer, là, c'est sûr, il faut que je passe à travers. Bon, oui. J'ai pas à le critiquer, puis c'est un jeu que j'ai acheté, puis je suis comme. Puis il me tape ses nerfs à cause du son. Ben, moi, je passe. Tu viens de me perdre, là. On va passer à d'autres choses. Fait qu'on était rendu à la SNES. C'est quoi les jeux qui t'ont marqué là-dessus? Parce que t'as dit que ça a redéfini ton amour pour le jeu vidéo, puis que ça t'a décidé qu'à un moment donné, il fallait que tu travailles dans cette sphère-là. C'est quoi qui t'a marqué? Ben écoute, moi j'ai beaucoup de. C'est encore une fois, j'ai des goûts particuliers en jeux vidéo. La majorité des gens aiment beaucoup les jeux d'action. Moi, je suis plus un gars tranquille, en jeux vidéo. C'est-à-dire que je suis un gars qui aime bien prendre son temps, regarder qu'est-ce qui arrive, etc. Je suis un peu un scientifique de ce côté-là. Donc les jeux qui m'ont vraiment marqué, moi, par exemple, SimCity. SNES, j'ai tellement mis d'heures là-dessus, ça n'a même pas de maudit bon sens. T'sais. Puis moi, encore, cette version-là, je trouve que c'est la version avec laquelle j'ai vraiment eu le plus de plaisir dans les SimCity, même si les versions d'après amenaient beaucoup, beaucoup d'innovations très intéressantes. Pour moi, la simplicité de ce jeu-là et l'ambiance qu'il apportait, ça a été vraiment révélateur. Autre jeu que j'avais bien aimé, c'était ActRaiser. Je sais pas si tu connais ça. Ça me dit absolument rien. Tu vois, c'est un mélange entre un platformer puis une espèce de jeu de simulation. De simulation God Simulation, un peu. Là, c'est-à-dire que tu joues, c'est exactement ça, tu joues le rôle d'un dieu. OK. Puis tu es placé dans une situation où ta population... là, à conquérir des territoires, puis elle essaie de s'établir. Mais là, une fois de temps en temps, elle a des problèmes, il y a des monstres qui arrivent, etc. Donc, toi, tu descends sur Terre, puis tu apparais à travers des statues que ces gens-là ont érigées à ton honneur, puis tu t'en vas régler le cas que tes poings puis ton épée, tu sais. Fait penser un peu à Black and White ou quelque chose comme ça, ça se peut-tu? Sauf que là, Black and White, c'est vraiment juste la simulation ou à peu près. Tandis que là, t'as vraiment le côté platformer où justement, quand tu t'en vas sacrer une volée, un monstre, tu sais, un peu comme t'avances dans des tableaux, puis etc. Donc, cette espèce de mélange-là, je l'avais trouvé vraiment super. OK. Puis ils en ont sorti d'ailleurs un deuxième qui était moins bon, là, lui, par contre. Là. Il avait évacué des aspects que je trouvais qui étaient de loin meilleurs dans le premier, notamment la question de la simulation, gestion, etc. Populous. OK, ouais. Qui est probablement le jeu le plus plate pour la majorité du monde. Les gens regardent Populous, ils doivent s'endormir. Moi, c'est un jeu qui m'a fait vraiment triper. L'ambiance de jeu-là, le côté simulation que j'aurais bien aimé. Encore une fois, on joue une espèce de dieu. Romance of the Three Kingdoms. 2. J'ai tellement joué au 2 puis au 3, ça n'a même pas de maudit bon sens. Puis ça, c'est vraiment un jeu de stratégie. Là. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de conquérir la Chine. Donc, on joue un des rulers, des seigneurs de cette époque-là, de l'époque de l'Antiquité et de la Chine. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de réunifier la Chine. Mais ça, c'est drôle parce que c'est un jeu qui, par ailleurs, m'a beaucoup introduit à l'histoire de la Chine parce que c'est des connaissances réelles. Il y a vraiment un travail de recherche historique qui a été mis là-dedans. Les personnages, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont existé pour vrai. Par exemple, moi, j'ai été mis en contact avec, par exemple, Cao Cao, qui est un seigneur très reconnu de cette époque-là. Puis, ben, tu sais, j'ai été lire là-dessus, puis, ben, je me suis rendu compte que le gars, il existait pour vrai. C'était considéré comme un guerrier poète. Bon, tu sais, tu dis, OK, ben, finalement, il n'est pas juste de la bullshit dans les jeux vidéo, là, il n'est pas juste des petits bonhommes avec des champignons. Là. Ils ont fait de la recherche pour faire ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres choses qu'un plombier qui essaie d'aller sauver une princesse. C'est ça, t'es capable d'aller un peu plus loin. Puis bon, c'est ça, il y a eu toutes sortes de titres avec ça. Ça, c'est la compagnie Koei qui a fait ça. Ça, c'est une compagnie que je trouve malheureusement qui aujourd'hui en a perdu beaucoup. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une compagnie qui avait pas mal de trucs intéressants. Dans la manche, des titres intéressants et des des concepts qui ont été mal exploités, qui auraient pu être exploités de manière beaucoup plus poussée, puis qui ont amené des choses beaucoup plus intéressantes, mais pour toutes sortes de raisons, ça a été abandonné, puis la compagnie va pas super bien maintenant. Là. OK. C'était peut-être pas assez grand public, peut-être? C'est ça, c'est vraiment ça. C'est toujours une question qu'on met en avant. Maintenant, ils font essentiellement des Dynasty Warriors, ce qui est peu dommage parce que, oui, c'est bon, Dynasty Warriors, mais bon, encore là, c'est pas extraordinaire. Là, ça défoule, mais c'est pas du grand jeu, on s'entend. Là, c'est pas, tu feras pas du, des c'est pas un triple A, à mon avis. Ben, peut-être, là, mais c'est pas des ventes incroyables, ce jeu-là. Okay. Ben c'est ça, ça s'adresse pas à tout le monde. C'est ça. Donc, eux aussi, Koei, avaient fait PTO, que j'avais particulièrement aimé, Pacific Theater Operation, qui est un autre jeu de simulation, mais là, c'était vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Le type gestion d'armée, on essaye de... Là, c'était le Japon contre les États-Unis, donc c'était vraiment... ce genre de jeu de gestion-là. Il avait fait aussi c'était un jeu de gestion d'avion de compagnie aérienne, puis le nom m'échappe, mais j'avais ça aussi, c'en était une que j'avais particulièrement apprécié. C'était tout ça sur la SNES? C'était tout sur la SNES. OK. Sinon, il y a eu... le jeu de course F-Zero. OK, ouais. Mm-hmm. F-Zero, F-Zero, ça, j'ai vraiment, vraiment trippé. Le seul hic de ce jeu-là, dans mes souvenirs, c'est qu'il n'y avait pas moyen de finir par sortir les adversaires de la piste. Donc, on avait beau essayer de pousser sur ces gens, sur les adversaires, ils revenaient tout le temps à la piste. Donc, ça, c'est l'espèce de type de course où tu peux jamais vraiment devancer quelqu'un très loin. Tu sais, il revient il est tout le temps dans ton derrière. À l'inverse, il peut pas vraiment non plus te dépasser tant que ça parce que tu peux tout le temps retourner le voir. Tu sais, il est jamais très loin en avant. Fait que ça m'avait laissé un peu un arrière-goût désagréable. Mais sinon, moi, ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce jeu-là. J'ai mis beaucoup de temps là-dedans. Les jeux de course, j'aimais ça, Poppy aussi. Je me souviens d'avoir joué à Top Gear. Puis l'autre aussi. Pilotwing. Pilotwing, on a ri avec ça. Là, c'est incroyable. Ça. J'ai un de mes amis qu'on a passé de je sais pas combien d'heures à jouer à Pilotwing, essayer de faire les pseudo-missions qu'il y avait là-dedans. Là, c'était assez drôle. Là. Ok, c'était difficile ou c'était... C'était pas super difficile, mais tu sais, il y avait quand même du stock à un moment donné, ça venait à un niveau assez élevé, là, puis fallait que tu sois habile, là, tu sais, puis moi, je suis pas un grand joueur, là, donc c'est sûr que j'en arrachais un peu plus. Dans la même catégorie du jeu avion, mais là, c'est plus action, c'était... d'ailleurs, c'est drôle, il en parlait cette semaine à Rétro Nouveau, puis Bruno Georget disait que c'est un des meilleurs jeux qu'il avait joué, puis j'étais comme, ah ouais, j'étais d'accord. C'est UN Squadron. OK, ouais. C'est un espèce de jeu d'avion horizontal où là, on tire, il y a des balles en veux-tu, en veux-là, là, puis il y a toutes sortes d'avions qui foncent vers toi. Un peu comme Gradius là, dans le genre. Là. Donc, c'est ça, encore une fois, là, je me suis mis du temps en masse là-dessus. Moi, j'étais pas particulièrement bon. Encore une fois, mon autre ami là, qui j'ai passé mon adolescence, lui, était pas mal meilleur à ça. Là. Non, mais c'était, le but du jeu, c'était vraiment de voler entre les balles tellement qu'il y en avait, parce qu'à un moment donné, c'était quasiment impossible de survivre si tu faisais pas juste essayer de voler entre les balles. Non, puis c'était vraiment très difficile. Pour mes compétences, ça l'était. Ben, il y a beaucoup de jeux dans ce temps-là qui étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui. Oui, oui, oui, puis... Ça, c'est un truc, quand je fais les chroniques tôt, je dis tout le temps aux gens, allez voir, allez l'essayer, vous allez voir que le gameplay, là, c'est un autre game, là, c'était beaucoup plus demandant là, pour réussir un jeu là, dans ce temps-là. Puis, tu sais, recommencer, là, les fêtes en maudit. Non, il n'y avait pas de point de sauvegarde dans ce temps-là, puis de recommencer à la même place, souvent, il fallait que tu recommences au début. Ah ben, tu sais, il y en avait, tout dépendant, là, c'est sûr que c'était bien variable, mais tu sais, ça dépendait des jeux aussi. C'est sûr que les RPG, il y en avait un peu plus, tu sais, mais c'est disons qu'il y en avait bien gros aussi, c'était comme « recommence mon gars, jusqu'à ce que tu sois bon », tu sais, Ghosts and Goblins, là. Ouais, ça, c'était pas facile. Ridicule, là, je veux dire, je pense que je me suis jamais même rendu au troisième ou quatrième tableau, là. Tellement c'était tough, là. Ouais, puis à un moment donné, tu faisais juste te tanner, regarde, je suis juste pas capable d'aller jouer à d'autres choses. Mais c'était intéressant, Ghosts and Goblins, mais c'est autant à l'arcade que quand ils l'ont sorti sur console, c'était comme presque pas faisable, là. C'est vraiment difficile, là. Assez difficile, ouais. Super NES, après ça, tu t'es en allé dans quoi? T'as-tu la première PlayStation? Je l'ai eu tard, la première PlayStation. En fait, ce qui est arrivé, c'est que là, pour le bénéfice des auditeurs, moi, je suis parti de la maison très tôt. Hein, donc, je suis parti de chez moi très, très tôt. Je suis parti de chez moi, en fait, j'avais 15 ans. Donc, à 15 ans, les fonds sont pas très grands. Hein, donc, à partir de là, les jeux vidéo ont pris un petit peu moins de place dans ma vie, malheureusement. Finalement, j'y jouais quand j'allais chez des amis. Pour des raisons de, tu sais, quand tu as un loyer à payer, tu t'arranges pour payer ton loyer. La bouffe puis le loyer passent en premier, les jeux vidéo passent après. C'est ça, donc c'est vraiment une question de priorité. J'ai joué, je me souviens d'avoir joué là, à la PS1 pas mal. Mon ami avait une PS1, puis j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Encore une fois, j'ai vu toutes les Final Fantasy passer. Mais moi, j'ai pas eu de console jusqu'à ce que En fait, là, je me suis mis à jouer plus PC parce que je m'étais acheté un PC pour travailler, mais j'avais aussi la possibilité de jouer avec ça. Donc là, à partir de là, je me suis mis vraiment plus à jouer PC. Qu'est-ce qui t'a marqué, PC? As-tu des jeux qui t'ont marqué plus que d'autres? As-tu été du genre Maniac Mansion, puis Day of the Tentacle, ces choses-là? Moi, j'étais vraiment plus Diablo. OK. C'est tous les jeux de Command and Conquer, StarCraft, l'autre aussi que j'ai vraiment aimé, ben Warcraft évidemment, mais les jeux, ouais, c'était pas mal là-dedans, là, tu sais, des real-time strategy, des espèces de point-and-click, des choses comme ça. Point-and-click adventure, j'en ai pas fait tant que ça, tu sais, finalement, ça me... par contre, je me souviens de Grim Fandango, que j'avais vraiment aimé, que j'avais trouvé très, très, très, très drôle. Qui est ça, un jeu de LucasArts dans le temps qu'il faisait des bons jeux. C'est ça. Malheureux, ça, par ailleurs. C'est une compagnie qui avait des super beaux titres, puis qui a, tu sais... Grim Fandango, là, je veux dire, c'est pas super compliqué, là, tu pourras en faire un deuxième relativement facilement. Ouais, mais ils ont été avec la facilité, après ça, ils ont fait des jeux de Star Wars, puis des jeux d'Indiana Jones, puis des jeux de licence de films qu'il y avait, au lieu de se creuser les ménages à faire des histoires qui avaient de l'allure. C'est ça, c'est dommage, parce que finalement, tu évacues la possibilité d'innover, tu sais. Fait que, en reprenant tout le temps la même chose que toi, c'est sûr que ça va vendre, mais tu évacues en partie la possibilité que tu as de faire de l'innovation. Ouais. Ouais, c'est ça, je me suis pas mal amusé avec ce genre de jeu-là là, dans ces années-là. Là. Donc, j'étais vraiment... StarCraft, là, j'en ai passé des heures là-dessus, là, de manière exagérée. Là. Ben, comme bien du monde qui ont accroché sur ce style de jeu-là. Là. C'était grave, là. je faisais du jeu en ligne, StarCraft, ça avait même pas de maudit bon sens. je pouvais passer là, de 11h le soir jusqu'à 2-3h le matin non-stop à faire des games une après l'autre. Là, c'était vraiment ridicule. Ça, des heures de plaisir, mais qui auraient peut-être dû servir à faire d'autres choses. Surtout que j'étais à l'université là, dans ce temps-là, ou au cégep, puis j'aurais peut-être dû me forcer un peu plus au cégep. Ah, mais des fois, un jeu quand ça nous tient. Des fois, on veut pas le lâcher, on veut juste jouer. C'est notre côté gamer qui fait ça des fois. Ouais, puis tu sais, dans ce temps-là aussi, c'est là que je me suis comme pas mal mis à triper sur techno, choses comme ça. Fait que là, tu sais, mes horizons sont élargis aussi. Fait que tu sais, mon ordi servait pour le gaming, mais il servait à toutes sortes de choses aussi, à faire des tests, installer des logiciels, choses comme ça. Fait que je m'amusais à faire bien des affaires. Ouais, naviguer sur Internet quand ça a commencé. J'ai une modem là, qui faisait... C'est incroyable. Je m'étais fait installer, dans ce temps-là, j'étais dans une chambre, puis je me suis fait installer une ligne téléphonique juste pour moi, pour être capable d'utiliser Internet quand je veux. Ouais, j'avais fait ça aussi chez nous. Ça prenait 4 heures d'enloader une photo. Trouver des sites Internet, tu faisais ça à travers un engin de recherche genre Archie ou Gopher ou des choses comme ça. C'était toutes des commandes que tu tapais. Là. Ah ouais, c'était... C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Quand t'avais de la misère dans un jeu dans ce temps-là, ben t'attendais le magazine parce que c'était pas sur YouTube ou sur un site de jeux vidéo que t'allais aller trouver ta solution. Ouais. Ah ouais, non, c'est ça. Non, c'est une autre époque, là. Puis c'est quand même fou, là, la vitesse à laquelle ça s'est devenu. Ça s'est démocratisé. Hein. Moi, c'est pas mal le. La chose qui m'a vraiment le plus frappé, c'est la vitesse de démocratisation de la chose. Puis l'autre chose, c'est le fait que finalement, on est venu rapidement à être à avoir de la technologie vraiment poussée entre les mains, puis qu'on prenne ça pour acquis. Oui, c'est sûr. Si tu regardes les jeunes d'aujourd'hui, regarde, mon gars, il a 6 ans, il a déjà sa DS, on lui a acheté une 3DS pour Noël, je veux dire, il joue au iPad, la Wii, la Xbox, je veux dire, pour eux autres, c'est comme, c'est là, puis ça a toujours existé, tu sais. quand tu vas avec du monde plus vieux un peu comme nous autres qui dit, tu sais, quand moi j'étais jeune, des jeux vidéo, ça existait pas là, quand j'étais petit, là. Pas comme eux autres aujourd'hui. C'est deux mondes totalement différents. Ah, et puis tu sais, on s'entend que la. Tu sais, la. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné aussi, c'est la miniaturisation, tout ça, tu sais. S'entends-tu que là, à peine, je sais pas, moi, 15-20 ans, tu sais, un ordinateur, c'était quasiment une pièce, là, tu sais. J'ai que dans le genre. Tu sais, c'était gros. Là, on est rendu que nos téléphones, entre nos mains, sont capables de faire jouer des titres, tu sais, qui demandaient à avoir des machines qui étaient assez grosses et assez lourdes, tu sais. Fait que c'est impressionnant. Mais juste comme tu parlais tantôt, ton jeu de Sega CD, que ça t'a pris, bon, ta Sega, plus un ajout pour mettre le CD dessus, puis aujourd'hui, tu dis, ben, il est disponible sur iOS. C'est ça. C'était vraiment... c'est capoté, là. Je veux dire, t'avais besoin d'une machine qui était quand même assez grosse dans ce temps-là, puis il a fallu qu'il sorte un ajout CD pour être capable de mettre ça sur une console qui avait juste des cartouches, puis aujourd'hui, ben, t'as ça dans ta poche, t'sais. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais. Je donnais une conférence l'autre fois, puis tu sais, je disais au monde, tu sais, je parlais d'un événement qui s'était passé. Je dis là, vous rendez-vous compte que l'événement dont je vous parle, là, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore d'iPhone, ça n'existait pas, là. Tu sais, là, 10 ans, il n'y avait pas d'iPhone. Ouais, c'est ça. Tu te replaces, là, au début des années 2000, là, il n'y en avait pas, là. Non, un téléphone, c'était un téléphone dans ce temps-là, ça servait à faire des appels. Aujourd'hui, faire des appels, c'est secondaire. C'est ça. C'est vraiment OK. J'utilise ça pour du data, là. That's it. Là. C'est ça. Ben, regarde dans les annonces d'Apple, ils disent ah, vous pouvez enregistrer du vidéo, vous pouvez écouter des MP3, vous pouvez jouer à des jeux, ça. Et vous pouvez faire des appels. C'est ça. C'est rendu vraiment comme le dernier feature d'un téléphone à Star, c'est de faire des appels. Fait que moi, finalement, c'est ça. Tout le côté PC est venu vraiment me chercher au niveau du gaming. Ensuite de ça, j'ai eu la console Xbox. OK, la première. Première Xbox. Puis ça, c'est dans le temps aussi, je me suis mis pas mal à jouer à des MMO. Ça a été une grosse phase de ma vie, là, les MMO. D'ailleurs, ben, on a fait un podcast ensemble là-dessus, hein, sur les MMO. Sur Swatter. Ouais. J'ai joué à des MMO c'était Dark Age of Camelot. OK, ouais. Que j'avais aimé particulièrement. Ça a joué à EVE Online. Il y avait eu Star Wars Galaxies, qui était un flop monumental. Ben, ils ont parti Star Wars Galaxies avec l'idée que tu pouvais pas devenir un Jedi. Ou, t'sais, c'était tellement difficile de devenir un Jedi, puis tout le monde voulait jouer un Jedi. Fait que c'est sûr que tu t'attirais pas ma main là. Puis Sony, tu sais, c'était Sony qui avait ça. Hein. Ouais. Sony Online Entertainment, qui était pas super pour gérer des MMORPG. Là. Fait que c'était un peu décevant là, comme la manière qu'ils ont traité ça. Là. Puis la manière dont ils traitaient leurs clients, il y a eu toutes sortes de bugs aussi. Là. C'était pas un jeu qui était super bien fait, disons-le. Parce qu'ils l'ont rebooté à un moment donné. Quand il a sorti, c'était la phase justement, jouer un Jedi, c'est quasiment impossible. Faut que ton personnage soit extrêmement chanceux pour être capable de devenir Jedi un jour. Puis après ça, ils ont rebooté ça, puis ils ont dit, OK, tout le monde peut devenir Jedi, je me rappelle bien. Puis là, c'était comme le Star Wars Galaxies 2.0. Là. Ouais, puis là, il était d'ailleurs corrigé, puis il y a eu pas mal de stock qui a été changé. Mais tu sais, j'en ai essayé des MMO, puis il y en a, tu sais, hein, vraiment déçu, le genre Matrix Online. c'était vraiment pourri. Mais tu sais, là, c'est à partir de là aussi que je me suis mis à jouer à EVE Online. Ça, j'ai joué longtemps EVE Online, puis à un moment donné, ça a été World of Warcraft. En même temps, j'ai eu ma Xbox. Et puis là, Xbox a été Halo. C'est quoi le jeu que j'ai? Voyons. Burnout. Ça, j'ai tellement joué à Burnout. Là, ça n'a même pas de mot du bon sens. Si tu connais Burnout, c'est un... Oui, le jeu de course. Ouais, c'est ça. Là. Puis moi, je trouvais ça particulièrement drôle de tout détruire en auto. Puis que l'auto n'ait quasiment pas de dommages. Ça, c'était particulièrement drôle. Ça a été pas mal, mais ma grosse phase MMO, jeux en ligne. Donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps dans World of Warcraft. Ça a été particulièrement... ça, c'est un autre jeu qui m'a beaucoup marqué. Un peu comme StarCraft dans le temps, mais là, c'était plus le MMO de Warcraft qui t'a accroché. Ce qui est drôle, c'est que ça m'a permis de faire des études, ce jeu-là. OK. Et toi, t'as fait des études sur le jeu? Sur le jeu, c'est-à-dire que plus tard, quand j'ai commencé à travailler sur la cybercriminalité, à un moment donné, j'ai dit, hey, tu sais, il y a des affaires intéressantes dans World of Warcraft où on peut lire des comportements d'individus. Tu peux dire, ah, ben, tu sais, il y a des clics qui naissent là-dedans, comment ça fonctionne, les gangs, etc. Tu sais, puis. Fait que j'ai commencé à faire des études en criminologie, mais à un moment donné, j'ai fait, ah, ben, je vais y aller, je vais faire une étude sur le comportement des joueurs en ligne et puis les comportements déviants. Donc, tu vois, comme quoi le jeu vidéo peut t'amener à bien des affaires aussi. Ouais, ben c'est un sujet intéressant. Puis comme des jeux un peu en ligne, ça reflète un peu la société d'un côté. Mais tu sais, t'as du monde qui sont là juste pour tuer les autres qui essaient de jouer tranquille. T'as du monde qui sont là pour semer le trouble. D'autres qui sont juste là pour jouer tranquille puis pas être achalés par les autres. Fait que ça reflète un peu la société, là. Ouais, ben c'est ça, c'est un microcosme. Fait que t'as finalement la réplication de comportements sociaux. C'est ça. Fait que. Puis la Xbox, c'est ça, la Xbox, j'ai pas eu tellement de titres Xbox. J'ai eu les Halo, j'ai eu... T'as joué Forza, le premier Forza? Forza, ouais, je me souviens d'y avoir joué. Burnout, puis... écoute, je me souviens pas d'avoir eu d'autres titres que ça, sincèrement. C'est pas une console qui m'a particulièrement marqué, la Xbox, parce que je l'ai eu sur le tard. Puis quand il y a eu l'annonce de la PS3, moi, j'étais fou comme un balai. Il y a eu la Xbox 360 aussi qui a été dans le même temps. T'as-tu sauté par-dessus la PS2? Ouais, je suis sauté par-dessus la PS2. J'avais du monde qui me l'avait prêté puis avec des jeux. Fait que, tu sais, je l'avais joué quand même, mais j'ai pas, je l'avais pas moi, là. OK. Mais pourquoi tu dis si t'étais fou comme un balai quand t'as su que la PS3 sortait, mais t'étais parce que t'avais entendu le titre qui s'en venait qui t'intéressait, ou juste parce que c'était la puissance de la console qui te... C'est sûr qu'il y avait des titres que je trouvais, mais moi c'est surtout les previews que j'avais vus, des jeux, je trouvais ça complètement barjo, là, donc j'étais comme ok, là, on est vraiment rendu loin là, dans les consoles. Puis là, je commençais à avoir un peu de sous pour pouvoir m'en payer. Donc là, j'étais comme ok, là, ça, c'est une console que je veux. Je trouvais que Sony avait un produit intéressant. Puis j'étais dans les années où j'avais pas confiance en Microsoft. Justement, j'avais eu la Xbox. Je trouvais ça clunky un peu, gros, pas élégant. Finalement, j'avais l'impression d'avoir acheté un ordinateur qui me servait juste au gaming. Alors, je me disais, t'sais, écoute, j'en ai déjà un PC, fait que, t'sais, à la limite, là, je vais jouer avec ça. Tandis que Sony, j'avais l'expérience de la PS2 quand même si j'en avais pas eu une. T'sais, je me disais, OK, ça, c'est vraiment le type console, t'sais, la vision console. Bon, l'histoire fait en sorte que finalement Sony est peut-être passé à côté de l'attaque sur bien des affaires. Là. Mais fait que c'est ça. T'sais, moi, j'ai. Puis en plus de ça, c'est clair la puissance de la console qui était complètement là, out of this world. Elle a été interdite de vente dans certains pays. Les Américains voulaient pas qu'elle se vende dans certains pays, justement à cause de sa puissance. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est. Ça a été un objet de désir pendant plusieurs semaines, puis à un moment donné, j'ai eu les moyens de la payer, fait que j'ai fini par m'acheter ça. Puis à partir de là, c'est une histoire qui dure lentement, puis la PS3. Là. C'est quoi tes jeux qui t'ont marqué sur la PS3? Je veux dire que là, Uncharted, moi j'ai bien aimé. Uncharted, là... ça me... Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, là, raconte-moi une histoire. Là, c'était Uncharted, là, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir ce personnage-là qui est finalement, tu sais, l'Indiana Jones de mon époque, là, tu sais. Dans le sens où Indiana Jones, je l'ai vu quand j'étais jeune, mais ça m'a marqué. Puis ça, c'est... Je regarde ça aujourd'hui, c'est l'Indiana Jones, mon Indiana Jones contemporain, finalement. Là. OK. Ouais, de la nouvelle, pour une nouvelle génération, genre, là. C'était comme aujourd'hui, maintenant, je peux revoir Indiana Jones dans d'autres aventures, tout simplement en jouant à ça. Là. Fait que ça, c'est tout con, mais c'en est un des jeux que j'aime bien. Puis j'ai la PS3, je l'ai tout le temps eu avec moi. J'ai eu une passe aussi, j'ai eu une Xbox 360. Elle a fini par lâcher, fait que j'en ai jamais racheté une. Les lumières rouges, la mort, quoi? Même pas. En fait, un moment, elle a juste décidé qu'elle ouvrait plus. C'était comme, c'était fini, là. Ça y tentait plus. Fait que j'ai même pas. J'ai appelé Microsoft, mon dehors, pour la faire réparer. Ça me tente pas, là. C'est, ça me coûtait de l'argent en plus. Fait que j'en ai juste jamais racheté. Le temps que je l'ai eu, par contre, c'est là que j'ai joué à Mass Effect 1. Ok, ouais, parce qu'il était pas disponible ailleurs. Ça, il était en exclusivité. Puis j'ai vraiment trippé aussi avec Splinter Cell. Donc ça, c'est des jeux qui m'ont particulièrement marqué. Mais Mass Effect 1 et 2, ça a été dans les plus grands jeux que j'ai joués. Le 3, j'ai rejoué le 2 sur la PS3, puis j'ai joué le 3 sur la PS3. Ça, c'est dans les jeux de PS3 là, que j'ai particulièrement aimé aussi. T'as-tu été dans la gang de déçus de Mass Effect ou Mass ouais. Effect 3 ou pas plus que ça? Bien sûr, il y a tout le temps, mais en tout cas, il y a tout le temps matière à chialer. Ça, c'est clair. Mais moi, un jeu, comme je le disais, c'est une histoire. Donc, c'est quelqu'un qui me raconte une histoire. C'est lui qui décide comment ça finit. Oui, c'est sûr. Il y a un livre qui sort demain matin. Là, puis tout le monde dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis là, on embarque, puis on lit le livre. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et il lit la fin. Il dit « Ah, man, la fin, je l'ai pas aimé. Là. Je vais écrire à l'auteur et qu'il change la fin. » Voyons donc. C'est pas de même, ça marche. Non. Fait que moi, ben sincèrement, moi, je l'ai pris comme eux me l'ont livré. Puis tu vois, il y a la fameuse Rustine là, qui est sortie pour justement ajouter à la fin. Ouais. J'ai jamais même voulu télécharger. OK. Toi, puis t'as dit c'est la fin qu'ils ont décidé, c'était ça, puis t'es capable de vivre avec. Oui. Moi, mes souvenirs que j'ai de Mass Effect, c'est la fin originale que j'ai pu goûter là, avec le titre qu'il y a eu au lancement. Moi, je vis avec ça, puis c'est bien correct. OK. Mais, tu sais, en même temps, c'est sûr que, tu sais, les gamers, c'est des gens passionnés. Hein. Tu sais, je peux comprendre pourquoi il y en a qui ont flippé, puis qui ont dit « Ah non, non, moi, j'en veux plus. » Tu sais, puis c'est ça que je disais. Moi, Mass Effect, j'ai pas été déçu par la fin. J'ai été déçu que ce soit fini. OK, ouais, c'est ce qui est pas pareil, là, ouais. C'est deux choses. Là. J'ai été déçu que, tu sais, Shepard, c'était la dernière fois que je le voyais, là. Ouais. C'était la dernière fois que je voyais son petit monde. La relation qu'il avait établie, par exemple, entre Garrus, puis lui, Morden, etc., tu sais. Ça m'a déçu. Mais, tu sais, je peux pas dire que je suis déçu de la fin ou de l'histoire, tu sais. C'est justement pour que j'ai eu ce type de déception-là, il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui écrive de quoi de solide. Là. Puis c'est ce qui est arrivé à mon avis. OK. Fait que pour toi, c'est correct. Ça finit bien, puis on passe à d'autres choses. Finalement, là. Ouais. Même si c'est plate, t'aimerais peut-être ça avoir un Mass Effect 4 avec... Il va avoir un Mass Effect 4, là, mais peut-être avec d'autres personnages. T'aurais aimé ça revoir Shepard dans d'autres aventures ou quelque chose comme ça. Absolument, mais ça ne sera pas le cas, puis c'est correct, là, je vis avec, t'sais. Mais c'est sûr que tu es rendu là, à un moment donné, tu dis de moins en plus, de moins en plus, de moins en plus, j'en prendrai toujours plus. OK. Ouais, ben, à un moment donné, c'est ça, ils veulent passer à d'autres choses. Quoique, peut-être un prequel. Ouais, peut-être, puis qu'ils ne se mettent pas d'interdit, ils ont probablement la possibilité de le faire, t'sais. C'est juste d'être, tu sais, à un moment donné aussi, quand t'es... si t'es développeur, là, écoute, Mass Effect, c'est combien d'années au total, là? C'est 6 ans, 7 ans? Ouais. De travail. Tu dis, tu passes 7 ans, c'est la même affaire, tu sais. À un moment donné, c'est sûr que peut-être t'as le goût de toucher à d'autres choses. Ouais, t'as le goût d'essayer quelque chose de différent. Mmh. Mais c'est une bonne vache à lait quand même pour BioWare, Mass oui. Effect. Fait que c'est sûr que tu veux pas nécessairement tuer une franchise que tu sais que la journée que tu vas sortir un jeu, tu vas en vendre des millions de copies. Non, puis tu sais, Oups, excuse-moi. Y a-t-il un problème? Non. Parce que j'ai eu comme une coupure, c'est peut-être Skype. Non, c'est ça. Puis, tu sais, couper. Tirer sa plaque d'une franchise comme ça, c'est sûr que ça ferait mal à BioWare. Mais, à un moment donné, tu sais. Comme là, je ne sais pas comment ils vont faire le 4. Ça va être tout un défi. J'aimerais pas ça être d'un culotte du gars qui va faire ça. Parce que. Tu sais, c'est un genre, t'as pas le choix, faut que tu te fasses comme une espèce de reboot, là, où t'en es rendu, là. Puis te faire un reboot, tu sais, c'est touché, là. Tu peux te planter solide, là. Ouais, si tu changes trop le gameplay, si tu essaies d'aller trop plus grand public, tu sais, faire plus un jeu d'action qu'un jeu, qu'un RPG, ça dépend de ce qu'ils vont aller. Ils sont capables de se planter solide, comme ils sont capables de faire une autre grande série de peut-être un autre 3 jeux. Ouais. Ah non. Ils vont vraiment avoir des belles surprises. C'est juste. C'est clair que c'est un gros défi pour eux autres. Là, tant qu'à t'avoir qui était un grand fan de Mass Effect, il y avait une rumeur d'un MMO sur Mass Effect. T'en as-tu entendu parler? C'est-tu encore quelque chose que tu penses qu'ils travaillent dessus? Ou avec peut-être ce qui est arrivé avec Star Wars The Republic, dont on parlait tantôt qu'on avait. On avait parti un podcast là-dessus. Penses-tu que ça refroidit un peu les ardeurs de BioWare de partir un MMO sur Mass Effect? Ouais, c'est une méchante bonne question, ça, sincèrement. J'ose espérer que non, que ce ne sera pas un Project Killer. En fait, ce que je me dis, ce que je leur souhaite finalement, c'est de dire, c'est de prendre conscience que la licence de Mass Effect, c'est une licence, un, qui leur appartient, deux, qui est en soi tellement porteuse qu'elle peut vraiment amener la compagnie, puis les créateurs sur des affaires vraiment intéressantes, tu sais. En ce moment, malheureusement, tu sais, des MMO que je considère, disons, avoir eu un impact très lourd, il n'y en a pas beaucoup. Tu as World of Warcraft, tu as EVE Online, à mon avis, qui a été chercher un impact qui n'est pas un impact direct, par exemple, dans tout ce qui est culture gaming, etc., parce que c'est un peu une sous-culture. Par contre, a eu un impact sur les mécaniques de jeu et sur comment finalement exploiter le contenu créé par les joueurs. OK. Fait moi, puis il y a Star Wars qui est une petite révolution, Star Wars The Old Republic, qui est une petite révolution parce qu'elle a amené tout le côté voice acting à tout ça. Ouais, le plus cinématique, faut que je passe mon temps à lire, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'était bien intégré, même si, bon, c'est plate, là, ça n'a pas levé, mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Donc, avec ça, BioWare, tu sais, sont en bonne position parce qu'ils ont une licence super intéressante, un monde qu'ils peuvent exploiter. Là, tu dis, OK, là, si tu réussis à créer quelque chose à partir de ces dynamiques-là, dont une que tu as déjà en ton contrôle, parce que toute la question du voice acting, c'est eux autres qui l'ont développé, tu sais, ben finalement, ils ont quoi, à mon avis, qui peut être super intéressant. Donc, c'est ça, c'est juste de pas être découragé en commençant. Mais en même temps, là, tu sais, les têtes de BioWare sont pas mal tombées, là. Il va peut-être avoir une nouvelle administration, puis des gens qui vont amener quelque chose de neuf à tout ça, là. C'est ça. Mais est-ce que vraiment Star Wars The Old Republic et un autre MMO de BioWare pourraient vivre en même temps ensemble? Ben, déjà là, tu sais, avec la situation actuelle, ce qui arrive, c'est que on est vraiment dans une lignée où le Star Wars, là, il est mort. C'est pas compliqué, là. Ben, il est mort. Il est pas mort, mais... Il est sur le respirateur solide, là. Quand t'es rendu en free-to-play, c'est parce que c'est un échec. On s'entend, là. Ouais. Pour réussir à le faire vivre autrement. Donc, dans cette perspective-là, faut que tu te dises, OK, lui, on le met de côté. Il va générer de l'argent, là, parce qu'il y a du monde qui va continuer de jouer, là. Sauf que tu peux pas le considérer comme étant ta vache à lait, là. Non, c'est pas un succès commercial, c'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir faire plein d'autres projets sans t'avoir à te casser la tête à l'argent que tu dépenses. C'est malheureux. C'est sûr. C'est ça. Tu n'es pas dans une situation où tu es, disons, un gagnant. Là. Non, non, pas du tout. Fait que c'est ça. T'sais, niveau MMO, moi, je pense que BioWare ont beaucoup de choses entre les mains pour y arriver. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est autre chose. Parce qu'ils ont, c'est sûr qu'ils ont appris beaucoup parce que c'était leur premier MMO. Donc, il a fallu qu'ils développent la mécanique de jeu puis comment faire fonctionner ça comme il faut en ligne puis tout ça. Là, ils ont réussi à développer ça. Fait que c'est quand même comme un pilote. Puis après ça, ils peuvent partir avec une licence qui leur appartient. Parce que c'est sûr, le problème de Star Wars Republic, c'est que oui, BioWare se met de l'argent dans ses poches, EA aussi, mais il y a une grosse partie de l'argent qui va à l'autre en haut, George Lucas. Lui aussi, il se ramasse l'argent là-dedans, fait que là, c'est pas totalement eux autres, puis ils doivent pas avoir le 100% de liberté de création, tandis qu'avec Mass Effect, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis je veux dire, l'argent qui rentre, c'est l'argent qui leur reste à eux autres, parce que ça leur appartient. Fait que c'est sûr qu'ils pourraient peut-être être tentés de mettre Star Wars sur dans poubelle, puis dire, bon, ben on repart avec quelque chose d'autre à un moment donné. Ah oh ouais, puis ça serait. Moi, je suis sûr qu'il y a de quoi faire. C'est vraiment juste une question de. Je pense que le gros problème aussi avec Star Wars The Republic, ça a été faire un hype de fou. Puis de ne pas avoir mis les mécaniques qui existaient dans le monde du MMO là-dedans au lancement. T'sais. Finalement, on a reçu un MMO qui avait l'air d'un jeu qui datait des années début 2000, alors qu'on était rendu dans les années 2010. Ouais. Ce qui était correct pour un gars comme moi qui n'avait pas vraiment joué beaucoup d'MMO. J'ai commencé à jouer à des MMO en ligne comme Eden Eternal, des choses comme ça, pour me préparer à jouer à Star Wars, pour apprendre un peu les mécaniques puis comment ça fonctionnait. Mais toi qui as joué à World of Warcraft pendant des années, ben, tu t'attendais à quelque chose déjà. Moi, je m'attendais pas vraiment à rien. Ah, ouais, c'est ça. Fait que les gens comme moi qui ont commencé à jouer à Star Wars trouvaient ça peut-être cool au début parce que c'est le fun, tu montes ton personnage puis tout ça. Mais à un moment donné, ça vient comme redondant. Là. Mais les vrais passionnés d'MMO, ils ont été essayer ça puis ont dit bon, ben moi, je retourne à Warcraft parce que je veux dire, autant Warcraft, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Ouais. Là, ça a pris des patchs avant qu'ils atteignent un niveau comme égal peut-être aux autres ou au moins proche d'être comme les autres. Puis quand, je veux dire, par le temps qu'ils ont tous mis les patchs en ligne, on savait que le jeu s'en allait en free-to-play. Il était trop tard, trop peu trop tard. Exactement. C'est malheureux pour eux autres parce que finalement, peut-être avoir attendu un 6 mois, tu sais, il y aurait eu... il n'y aurait pas eu la débarque qu'ils ont eu là, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu veux te financer aussi, non? C'est ça. Mais c'est plate pour BioWare parce que c'est eux autres qui prennent un peu le blâme. C'est sûr qu'il y est un peu aussi parce que c'est quand même eux autres qui sont au-dessus de tout ça. Puis c'est probablement un peu à cause d'eux autres que le jeu a été launché ou a été mis en ligne la date qui a été mise. Sinon, peut-être BioWare a décidé de le retarder un peu pour le peaufiner. Mais je veux dire, dans le fin fond du fond, c'est on peut appeler ça un échec, peut-être. Ben oui. Je pense qu'il faut pas se leurrer. Là. T'sais, quand t'es deux gars du responsable dans le haut de la compagnie, ils quittent. Je pense que on est loin d'un succès. Là. L'autre chose, c'est que ça sent le EA aussi. Hein. Ouais, un peu comme il avait fait avec Dragon Age 2. T'sais, sortez-les. Puis... EA, là, on s'entend que c'est pas. c'est vraiment pas une compagnie qui. Fait toujours des bons coups. Là. En fait, souvent, on se retrouve dans une situation où tu regardes les moves qu'ils font, puis c'est un peu douteux. Là. Ouais, pis ça, c'est une affaire que je trouve triste, pareil, parce qu'autant, pis ça doit être un peu pareil de ton côté, parce qu'en étant, bon, je vais dire, moi, je vais m'appeler un vieux gamer, je ne traiterai pas de vieux, là, mais. On a commencé avec EA sur l'Atari 2600, je me rappelle, EA puis Activision, deux compagnies que dans le temps on vénérait parce que c'est eux autres qui sortaient vraiment le meilleur contenu, tu sais. Ouais. Atari 2600 avec Activision, là, et je veux dire, c'est eux autres qui ont fait Pitfall dans le temps, puis c'est eux autres qui essayaient des affaires, puis aujourd'hui on dirait qu'on est pris dans le carcan de bon, on va reprendre Call of Duty, on va reprendre, tu sais. Modern War, on va reprendre des tout le temps les mêmes les mêmes jeux, puis on va juste refaire les nouvelles versions au lieu d'essayer d'innover. Puis je trouve ça un peu navrant. J'ai trouvé ça plate de voir la critique de Tristan sur Need for Speed Most Wanted, puis qu'il donne un 5, parce que, je veux dire, c'est même plus un jeu de course qui a de l'allure. Puis je me rappelle avoir joué au premier Need for Speed sur mon Commodore 64 dans le temps, puis je veux dire, c'était incroyable comme jeu de course. Là. T'avais des choix d'auto, c'était quand même bien rendu pour le temps. Puis à ça, c'est rendu comme s'il avait oublié qu'est-ce qui était dans le temps. C'est un peu navrant. Ah oh, ouais, non, c'est assez... C'est assez décourageant, d'autant plus que tu te dis, OK, là, tu te bats contre toutes sortes de choses, le piratage, le fait que les gens, ils veulent se débarrasser de leur jeu rapidement, t'sais. Mais ça, c'est sûr que si tu donnes des produits bizarres, le monde va aller dans cette voie-là. C'est ça. Fait que t'es aussi bien de... Tu sais, moi, j'ai toujours dit, Small is beautiful, là. Donc, prends ton temps, sors-en pas souvent, mais quand tu sors, tu t'arranges pour la vente. Ben, c'est ça. Mais c'est rendu, à cette heure, on se fie sur certaines vaches à lait. Fait qu'un Call of Duty par année, si pas deux. Un NHL, un Madden, un FIFA par année. Puis à un moment donné, ben, c'est dilué. Tu essaies de rajouter des innovations, mais jusque où tu peux innover pour un jeu de hockey à un moment donné, là, je veux dire. J'avais du fun à jouer à NHL 95 dans le temps sur ma Nintendo. T'sais. Je veux dire, oui, c'est plus le fun parce que les personnages sont plus réalistes aujourd'hui, mais ça reste qu'un jeu de hockey. C'est un jeu de hockey. Là. T'avais du fun pareil dans le temps. Mais en tout cas, c'est rendu des vaches à lait. C'est un peu plate parce que l'industrie, comme je disais déjà, l'industrie est plus rendue à faire de l'argent que de faire plaisir à leurs fans à Star. Ouais. Fait que là, toi qui joue un peu dans ce domaine-là, tu vois quoi pour les prochaines consoles? Parce que là, ils annoncent la Wii U sort. La Wii U est sortie aujourd'hui, si je me rappelle bien. Si j'ai la date comme il faut. T'as la PS4 qui s'en vient, la Xbox 720, mettons, qui s'en vient. On s'en va où? C'est-tu la dernière console régulière avec des CD, des DVD qu'on pourra racheter? Après ça, on s'en va dans le cloud puis c'est fini? Ou tu vois ça comment, toi? Ouais, je pense que c'est pas mal dans les dernières consoles. Là. C'est pas mal la dernière console avec laquelle on va pouvoir acheter des médias physiques. Là. On en est rendu là, le modèle est rendu là. Parce que, c'est ça, ça aide à la protection des droits. Ça, c'est le premier point. Mais l'autre chose aussi, c'est que juste pour ce que les gamers veulent, ils veulent avoir accès au contenu quand c'est un never again. Donc, à un moment donné, ça, t'as pas le choix. Il faut que tu passes par un système qui permet. Puis c'est plate, mais c'est Internet qui te le donne. Fait que tout ça va jouer et va faire en sorte que finalement, on va se retrouver dans des situations où les gens vont avoir des accès qui vont leur permettre de jouer. C'est-à-dire que les consoles vont être peut-être quelque chose de portable. Moi, je verrais très bien avec la vitesse à laquelle les téléphones se développent et que la puissance des téléphones se développe. C'est-à-dire que ça va devenir ton accès à ton contenu qui va se trouver dans le cloud, puis tu vas pouvoir brancher, par exemple, ton téléphone sur un écran grand, sur un grand écran, de manière X ou Y. Mm-hmm. Ton téléphone va être ta manette ou tu vas peut-être même pouvoir mettre des périphériques. OK. Un peu comme un Steam, mais ça pourrait être un peu comme une console pourrait devenir un peu comme Steam. Tu achètes tout ton contenu en ligne. Oui, ça peut s'installer sur le disque dur de la console un coup tu l'as téléchargé, mais tout se fait en ligne avec une vérification quand tu te logs. Parce que Steam, ça fonctionne super bien. Ah oh, oui. Puis tu sais, regarde. Je regarde le développement, par exemple, des tablettes là, en ce moment. Tu sais, quand tu regardes là, c'était quoi le jeu? Le jeu On Live, là, la console On Live, de quoi a l'air? Là, tu sais, finalement, c'est ça. Là, tu peux quasiment la traîner dans ta poche. Là, je veux dire, la prochaine étape, c'est ça. Là, tu vas avoir ta console, tu vas la traîner avec toi. Puis tout ce que tu vas avoir à faire, c'est de brancher sur un écran, puis rentrer tes données Internet pour te dire, ben ça, c'est mon accès, puis c'est à moi, fait que je peux y accéder. T'sais. That's it. Ouais, ben ça va devenir intéressant. J'ai hâte de voir un peu ce que ça s'en va. Là. J'ai hâte de voir aussi les nouvelles consoles, parce que j'ai un autant que j'aime quand même bien Nintendo, j'ai peur un peu que la Wii U soit désuète assez rapidement parce que tu elle vient de sortir. Ils disent qu'elle est à peu près la puissance d'une 360 ou peut-être un peu plus, mais là, tu as les deux autres qui s'en viennent avec leur nouvelle console. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, puis tu sais, quand tu sais que la c'est la Wii U, j'ai l'impression que, en tout cas, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça fasse un peu comme la Wii. C'est-à-dire que tu sais, il y a un engouement au début, puis à un moment donné, bon, ben, c'est beau, là, mais les titres vont te suivre. Tu sais, il y a eu des bons titres sur la Wii, mais tu sais, à un moment donné, moi, la Wii, je l'ai utilisée de manière très sporadique dans son existence, là. J'utilise une fois, fini tel jeu, ok, bon, il n'y a plus rien d'autre qui m'intéresse, fait que je ne l'ai pas touché. Ensuite de ça, il y a un jeu, fait que je le ressors, je le dépoussière, puis je retourne, je joue un petit bout, puis là, à un moment donné, j'arrête. Fait que j'ai comme peur que ça soit un peu la même dynamique, mais en même temps, je ne souhaite pas ça à Nintendo, tu sais. Ouais, ça serait le fun qu'il y ait une console qui réussisse un peu mieux. Fait que tu n'es pas du genre, tu partiras pas demain matin pour t'acheter une Wii U. Non, j'ai pas une Wii U, puis j'irai pas en acheter une. Tu vas attendre voir ce qui se passe, puis peut-être un jour, ou même toi, c'est clair dans ta tête, non, c'est pas une console qui va t'intéresser du tout. Je te dirais que pour l'instant, c'est un non. Parce que, bon, premièrement, moi, je joue pas mal PC, fait que, avec Steam, justement, j'aime bien Steam. Ouais, c'est ça. Et je suis un amateur d'écosystème. Donc, ce qui risque d'arriver dans mon cas, c'est que je vais m'arranger pour fusionner les écosystèmes. Donc, j'ai un PC, je vais aller m'acheter la console d'Xbox puis avoir un écosystème qui fonctionne complètement d'un bout à l'autre. Oui, ouais, c'est vrai parce que si tu as Windows 8, ben, l'interface de la Xbox est pas mal semblable. Puis, à ce que je sache, toi, tu as encore un téléphone Windows? Un Windows Phone? Non, parce que moi, c'est un téléphone qui m'est maintenant fourni par le boulot, donc j'ai pas le choix du système d'exploitation. Mais là, ce qui se passe, c'est que j'ai un téléphone iPhone, mais ben, sincèrement, c'est toujours au lendemain pour une raison X. Je travaille plus là, puis c'est moi qui prends son téléphone. Je vais probablement retourner au téléphone Windows. Okay, tu l'avais aimé? Oui, j'avais aimé. J'avais adoré le téléphone. Le seul hic, c'était... En fait, j'avais adoré le système d'exploitation. Le seul hic que j'avais, c'était le téléphone en tant que tel, c'est-à-dire le constructeur. T'sais. C'est un HTC, ça n'a pas été grandiose pour moi. Fait que, j'étais un peu déçu. Fait qu'à partir de là, j'ai dit, ouais, bon, OK, je vais peut-être repenser à tout ça. Je vais me racheter... C'est pour sûr, je vais me racheter un téléphone Windows, mais... probablement pas un téléphone HTC. OK. Ouais, avec le Nokia. Ouais, le Nokia qui était présenté à M. Net cette semaine avait l'air popé. Ouais, ouais, puis Nokia, tu sais, Nokia ont tout le temps été reconnus pour leur qualité de construction. Nokia est pas bon, c'est les systèmes d'exploitation, tu sais. Puis, tu sais, en même temps, je comprends, c'est pas une compagnie de software, là, tu sais. Donc, eux autres, en faisant... quand ils ont décidé de faire des systèmes d'exploitation Symbian, tu sais, bon, ça faisait l'affaire pour des places comme les pays en émergence, mais tu sais, si tu veux un téléphone haut de gamme, c'est clair que Symbian, ça te fera pas la job. Non, t'allais pas vers un Nokia. Là, ça a changé, ils se sont adaptés, puis ouais. Ça fait des téléphones un peu mieux. Oui, okay. De savoir si BlackBerry et eux autres vont s'adapter un jour. C'est trop tard. Ouais, peut-être avec le BlackBerry 10. Il y a encore du monde qui ont des espérances pour eux autres, là, mais je sais pas. J'ai peur pour eux autres. Je pense que c'est les futurs Nokia. Ça va être BlackBerry. Ouais, ben tu sais, en tout cas, c'est une autre compagnie, tu te dis, tu sais... Ils ont eu des problèmes parce que le monde qui était en haut de la compagnie n'était pas particulièrement efficace, là. À un moment donné, c'est de dire, OK, ben, gars, ce monde-là, faut être capable de l'évacuer, là, tu sais. Quand j'ai vu le dirigeant de BlackBerry dire des niaiseries, là, qui avaient pas d'allure, là, mais vraiment des niaiseries pas d'allure, là, tu sais. C'est de dire, OK, là, c'est parce que ce monde-là, là, comment ça se fait qu'ils sont encore là? Sortez-les, là, tu sais. Ouais, mais le gars chez Nokia qui avait dit qu'utiliser Android, c'était comme se pisser dessus pis se réchauffer, il est encore là, lui? Je sais pas s'il est encore. Je l'avais trouvé bien drôle quand Frank avait sorti ça, ouais. Justement sur l'analyse des geeks. Je ne suis pas sûr qu'il est encore là, heureusement. Mais c'est un peu ridicule. Ouais, c'est ça. Mais t'es dirigeant. Quand ton dirigeant n'a pas d'allure, puis c'est lui qui prend la décision, ben ça donne des choses comme ça. Moi, te poser les petites questions finales. Après ça, je vais te laisser y aller faire autre chose. On a parlé de jeux vidéo depuis le début. Bon, y a-tu un jeu vidéo qui t'a marqué plus que les autres depuis le début? Ton jeu vidéo que tu pourrais qualifier de ton préféré, ça serait quoi? Je vais y aller avec Final Fantasy 2, qui est Qui était le 4 japonais. Ok, c'est lui qui t'a marqué le plus, c'est lui que t'as vraiment, tu dis, à vie, le jeu que j'ai eu le plus de fun à jouer, ça aurait été ça va être celui-là. le jeu que j'ai terminé, je sais pas combien de fois là. Je dois avoir fini ça. Je dois avoir fini ce jeu-là au moins 4 ou 5 fois là. Ok, ah, c'est plus que moi, j'ai jamais fini un Final Fantasy de ma vie. Ben, C'était agréable. Ok, non, moi, les RPG comme ça, j'ai plein de la misère. Puis si on va le contraire, si on va le pire jeu que tu as joué de ta vie, Oh, le pire. ouais, le pire que tu aurais joué, soit que tu l'as jamais fini parce que c'était comme trop ou. Me souviens d'un jeu que j'avais à tester du temps que j'étais. J'écrivais pour un site web et le titre, en tout cas, je suis pas sûr que je me souviens tout à fait du titre, là, mais c'était genre Playboy Mansion. C'était comme un truc de les Sims, mais Playboy. Ok. Sérieusement, là, tu m'aurais dit, gars, t'as le choix entre te rentrer tes doigts dans tes yeux ou jouer à ça. J'aurais pris, me rentrer les doigts dans les yeux. Là. Très près les doigts. Ok. Non, c'est un jeu que j'ai jamais entendu parler de. Je suis pas sûr du titre, mais c'est vraiment pourri. Ok. C'était quoi sur console? Non, c'était sur PC. Ok. Ah, ok. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui l'ont acheté pareil vu qu'il y avait le nom Playboy dedans, là, mais je peux comprendre que c'était probablement pourri. C'était pénible. Puis c'est quoi ton coup de cœur présentement? Tu parlais de Borderlands tantôt. C'est-tu ton coup de cœur pour cette année? Ça serait-tu le jeu que tu as joué que tu donnerais que ce serait ton jeu de l'année cette année? Ouais, cette année, ouais, tu vois, cette année, je pense que ce serait effectivement le jeu avec lequel j'ai eu le plus de plaisir. Puis pour moi, c'était Out of the Blue en plus. C'était une surprise. T'sais, je m'attendais pas à avoir du fun comme ça. Mais tu vois, ça a été non, ça a été pas mal agréable. Ok, il faudrait bien que je l'essaie. J'ai le premier, j'ai joué pas mal avec, mais le deuxième me titille encore. Mais c'est soit ça ou Halo 4. Fait que... C'est un no-brainer. Tu te branches, tu sais, t'as du fun, puis that's it. Mais sinon, Star Wars The Old Republic, ça a été un jeu. Ça a été un jeu avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis c'est un. Malheureusement, comme on le disait, il a pas pogné, mais je pense qu'il aurait mérité d'avoir plus d'amour qu'il a eu. Tu vas-tu continuer à jouer ou si c'est pour toi c'est pas mal? Parce qu'on parlait quand on faisait le podcast avec Max, on se disait bon, moi puis t'sais, nous deux, on gardait nos abonnements, puis on continuait à payer. Puis Max disait ah, ben moi je vais essayer l'avenue free to play, voir comment ça fonctionne, puis tout ça. T'as-tu changé d'idée? Non, je veux probablement. C'est vraiment une question de temps là, ces temps-ci. J'ai pas le temps de mettre là-dessus. Là, mais je vais finir par m'y remettre là. Puis tu vas continuer à jouer, puis quand ton abonnement va passer, tu vas t'en repayer un autre? Probablement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la question que je me demande ces temps-ci parce que j'ai pas mis mes pieds virtuels dans Star Wars The Old Republic depuis, je dirais, un bon mois et demi. Puis par bout, ça me manque, mais par bout, je veux dire, je me dis, refaire encore les mêmes planètes pour remonter mon personnage, c'est un peu tannant, là, c'est redondant. Puis tu dis, il me semble que j'aimerais ça peut-être passer à d'autres choses, mais c'est un mal nécessaire. Le truc, c'est qu'à l'automne, c'est tout le temps difficile pour moi, parce que j'ai de l'enseignement, puis j'ai Monsieur Net, puis j'ai Ado Talbot, fait que j'ai vraiment un horaire de fou, fait que, tu sais, si je suis pas discipliné, je passe pas à travers, là. Fait que si je me mets à jouer un peu trop, là, je finirai pas, là. Fait que faut que tu te gardes droit toi-même. Puis, tu sais, en plus de ça, je veux pas, tu sais, il y a tout le reste, tu sais, les Ouais. amis, l'entraînement, tout ça, tu sais, fait que ça fait partie de ça, là. Ouais, faut couper à quelque part. Puis malheureusement, ben la place logique à couper quand t'as quelque chose, c'est le jeu vidéo, hein, parce que c'est pas mal la seule chose qui rapporte pas grand-chose à part du plaisir, là. Ça en prend, là, mais c'est pas ça qui paye le loyer. Non, malheureusement. On peut pas tous être des joueurs professionnels. Même si on aimerait ça. Fait que Benoît, merci beaucoup. Ouais. Je vais te laisser aller là-dessus. Super le fun que tu aies accepté. Si les gens veulent te rejoindre, que peuvent-ils faire? Twitter, c'est vraiment la version la plus l'affaire la plus facile. Donc mon tweet, c'est Ben Daggy avec un DA dans le milieu. Donc tu peux m'en joindre, m'envoyer des petits cocos là-dessus. Puis je suis relativement actif sur Twitter, là, donc sur moins l'automne, mais c'est probablement la façon la plus facile. Il y avait une petite polémique cette semaine. C'est quoi? T'as changé ton nom d'usager puis le monde a capoté? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon nom d'usager pour voir quel nom qu'il y avait disponible. Puis là, à un moment donné, j'étais en train de faire des tests. Puis à un moment donné, j'ai juste oublié de remettre mon nom. T'sais. Le monde a comme flippé ben net. Là. J'étais comme... Puis là, à un moment donné, j'ai ouvert mon Twitter puis j'ai vu ça passer. J'ai dit, bon, ça y est. Tu peux pas te cacher. Le monde te recherche. C'est incroyable. Puis là, t'es comme, hey, qu'est-ce que tu penses? Tu es en train de te faire attaquer? J'étais, bon, ça y est. Ah, ben, je me suis posé la question quand j'ai vu les tweets qu'il y avait dessus. Après ça, je me suis dit, Ben, puis se faire hacker, ça va pas dans la même phrase. Fait que je me suis dit, sûrement pas. C'est sûrement quelque chose qu'il a essayé ou quelque chose qu'il a écrit par lui-même. Parce que je me suis dit, un gars qui est si calé en sécurité, c'est rare que ça se fait hacker son compte de Twitter. Lui non plus, écoute, ça peut être... mais bon, je te dirais que c'est sûr qu'en moyenne, mes mots de passe sont 20 caractères. Mais il n'y a quand même pas de... Il y a pas de sécurité parfaite, là. Non, mais tu dois pas être le genre à aller cliquer sur un DM que tu reçois qui dit « Hey, check ça, ils t'ont pogné. Il y a une photo de toi sur ce site-là. » C'est tellement drôle. Mais je suis plutôt méfiant. Ouais, c'est dans ce temps-là que tu te fais hacker. Donc ça, les gens peuvent te rejoindre sur Twitter, peuvent t'écouter à l'analyse des geeks que vous avez recommencé, puis tu disais que c'était aux semaines, parce que l'année passée, vous aviez fini ça, c'était aux 2 semaines presque pour la saison. Là, cette année, vous êtes à la semaine. À la semaine, mais la formule, finalement, au lieu de faire 2 heures, parce que c'est à peu près ça qu'on faisait, maintenant, on fait 1 heure. Donc 1 heure à chaque semaine, plutôt qu'un 2 heures aux 2 semaines. OK, bon, ça revient à la même chose, mais sur deux semaines à la place d'être tout d'un coup. Puis, t'as, comme de raison, Radio Talbot, oui. Tous les lundis. Lundi soir, de 19h30 de 20h jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Puis, ils peuvent voir ta frimousse à Monsieur Net au moins une fois par semaine. C'est généralement 1 à 2 fois semaine, là, tout dépend de ce qui se passe. Et des fois, même c'est plus sur des remplacements à faire, mais c'est ça, c'est environ 2 fois, 1 à 2 fois semaine. C'est ça. Puis pour les gens qui demandent sur Twitter qu'est-ce qui se passe avec le podcast de Secteur 42, on le sait pas. On verra à un moment donné. Si le jeu redevient intéressant, on verra si on recommence. Mais pour l'instant, on a pas mal le consensus que il y a pas grand chose qui se passe dans le jeu pour valoir un podcast à un jeu tout seul. Je pense que t'es pas mal d'accord avec ça. Ouais, malheureux parce que ben tu vois, c'est drôle parce que j'en avais plusieurs que je suivais sur en langue anglaise. Mm-hmm. Je les écoutais puis ils sont tous morts après l'autre. C'est sûr, quand t'as pas de communauté pour te faire vivre, c'est un peu difficile. T'sais, tu fais pas un podcast, c'est sûr qu'on le fait un pour le plaisir, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui t'écoutent aussi. Là, tant qu'à ça, on va juste aller prendre une bière et jaser. Ouais, puis ça prend du contenu, il faut que tu aies quelque chose à dire. C'est bien beau parler de ce que tu as fait dans ta semaine dans le jeu, mais à un moment donné, tu peux pas décrire en temps réel ce que tu es en train de faire pendant que tu joues. Puis parce que des fois dans Star Wars, c'est long en 2 points. Hein. Fait que ça, même The Instant, c'est mort? Ouais. Ah, tu sais, c'est un que j'écoutais en anglais, puis ça, je regardais, m'en est depuis un bout de temps, j'ai dit, coudonc, ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas fait, fait que il y a peut-être une bonne raison à ça. Donc, encore une fois, merci, on va se rejaser sur Twitter, si je suis chanceux, on va se recroiser à quelque part à un moment donné, toujours bien intéressant de te jaser, et encore une fois, merci. Ça a été bien fun de parler avec toi pendant un petit peu. C'est toi. Merci, Ben. Bye.